de spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Justine Renaud enfilera son sarrau pour nous faire sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Et Myriam Lortie parcourra avec nous le dernier numéro de l'année du journal Zone Campus. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 23 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Stéphanie. Bon matin. Bon toi, toi. Hey. T'étais pas là hier. Ben non. Ben non. Il reste 5 émissions à partir de là. Oh. Top 5. Hey, c'est un décompte, ça? Ça ressemble étrangement à un décompte. Un top 5. Qui commence un jeudi. OK, fait que toi, t'as l'intention que ce soit meilleur, juste de plus en plus bon. Ouais. Jusqu'à jeudi prochain. C'est ça. On approche les 850 émissions. En fait, lundi, ça va être les 850. Je pense que c'est les 850 auditeurs. Arrête donc. Donc, ouais, peut-être que rendu là, on pourrait commencer à faire des bonnes émissions. Ça pourrait faire changement, ça. Jeudi prochain, on pourrait commencer ça. C'est ça. Ça pourrait être une idée. Ouais. On y a pas pensé avant. Je sais pas. On n'est pas vite. Aujourd'hui, l'émission, Steph, petit plan bien simple. À 8h30, on a Justine Renaud et sa chronique musicale et scientifique, Justine Pertine. Tant mieux. Ouais, mais c'est tellement pertinent. Ah, j'espère que c'est pas la dernière, ça. J'espère que non. Oh. À 9h, on a Myriam Lortie qui, habituellement, est mardi. Elle nous fait la chronique Zone Campus avant que ce soit passé date, cette histoire-là. Mais oui, surprise, elle était pas là. Elle était pas là mardi. Elle n'était pas disponible, mais elle est là aujourd'hui pour compenser. Donc, on va faire ça en fin d'émission à 9h. Une chance, je voulais tellement quelqu'un me lire le Zone Campus. Oui, parce que nous. J'aime ça me faire faire la lecture. On lira pas nous-mêmes. On est des enfants de la génération millénaire de je sais pas quoi, là. La génération paresseuse. Ça dit plus, ça. Il faut des gifs animés. Fait que la zone campus soit un gif animé. Et on va faire aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, les instructions d'assemblage. Mais pour l'instant, un petit peu de musique pour débuter ça. En force, de feu, je dirais. Parce que voici l'extrait du palmarès de nos amis de chez Galaxy. Avec Dragon. Ça commence à l'instant. Bonne émission! Ah, c'était Dragon de Galaxy. Tu sais, Gandhi, là. Ouais. Tu sais, il disait bien des affaires, des citations vraiment incohérentes. Mm-hmm. Comment on appelait ça, tu penses? Des phrases, des citations. Non, des gardiratons. OK, ça, c'est, ouais. c'est comme Gandhi, mais avec un petit bandeau là, noir oh! sur les yeux. Un petit raton, Gandhi! Oui! Cute. Ouais, non, c'est ça. Parce que lui, il a dit des affaires que peut-être que tu devrais suivre dans la vie. Tu sais, des trucs philosophiques. Comment dire? Conseils de vie. Conseils de vie. Comme nous, on fait, mais en beaucoup plus basic dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ça, c'est une citation de Gandhi pour ceux que ça va pas. Ah oui? Ah oui, cool. Je vous apprends des affaires. Donc, c'est les instructions d'assemblage, correct, dans lesquelles on s'établit quelques petites règles de vie. Évidemment, on les suit pas nécessairement, mais c'est pour vous aider à peut-être vous en inspirer un jour. C'est bon, ça? Ouais, ouais. Vous allez retenir ça. Ah oui, il me semble que le grand Mathieu Plante avait dit ça. C'est vrai que t'es grand combien, tu mesures? Je sais pas. Tu fais 3? Ben, je dirais 6-2, mais peut-être 6-3. D'après moi, 6-2. Ça dépend si tu mets tes talons ou pas. C'est ça, ça change tous les talons, tu sais. Mm-hmm. C'est ce qu'on me dit, coudon, mais... c'est ce qu'elle m'a dit hier soir, mais quel est talon? Non, tu sais, non. Mais, elle voulait que tu mettes tes talons? Ben non, c'est pas, laisse faire. Laisse faire, c'est un gag de pipi. Donc, on va parler d'argent comme on le fait souvent, et c'est souvent ces conseils-là qui tombent à plat dans les espèces d'assemblage, parce que, tu sais, comment je suis pas un gars responsable de son argent, tu sais. Et j'essaie moi-même de lire des conseils sur l'argent pour essayer de peut-être un jour réussir à faire quelque chose avec ça. Donc, on va s'aider mutuellement pour comprendre ce petit conseil qui, je l'ai lu en surface, avait l'air intéressant. Quand même. C'est comment décider ce que vous devriez mettre dans vos économies versus ce que vous devriez mettre sur vos dettes. OK. Okay? Donc, quand il faut décider si on économise de l'argent ou si on paye ses dettes, la spécificité de votre situation peut rendre la réponse évidemment très, très subjective. Mais on peut simplifier ça en prenant le taux d'intérêt de votre dette et en la multipliant par 10 et en appliquant ce pourcentage-là de vos économies vers le paiement de votre dette. C'est un blog de finances personnelles, Financial Samurai. Déjà, ça commence vraiment bien parce que c'est un samouraï financier. Mm-hmm. T'sais, explique que les hauts taux d'intérêt vont manger vos économies avec le temps, peu importe si vous l'investissez bien. Si vous avez exemple, j'aime ça quand on me donne des exemples parce qu'il me faut un dessin. T'sais. Donc, si vous avez 3 000 $ dans un compte de retraite qui se fait 8% qui gagne 8% par année, mais que vous avez aussi 3 000 $ d'intérêt de carte de crédit à payer sur laquelle vous devez 18% année sur année, okay? Vous allez perdre à long terme si vous ne payez pas cette dette-là. Ben oui. Évidemment, ça, à date, on suit, là. On peut éviter de payer. On peut pas juste éviter d'économiser juste parce qu'on a un paiement de voiture ou une hypothèque à payer ou peu importe. Donc, pour vraiment discerner, différencier ce que tu dois mettre, c'est le pourcentage d'un dollar que tu devrais considérer donc devrait être calculé en termes de fois 10. OK? Donc, ce que tu dois payer sur ta dette, ce serait simplement le niveau d'intérêt de ta dette fois 10. Donc, si ton niveau d'intérêt pour ton prêt étudiant ou ton hypothèque est de 3%, tu vas mettre 30% de tes économies sur le paiement de ta dette et 70% d'économies pures dans ce que tu aurais mis sur ton économie, mettons. Mm-hmm. Tu comprends? Donc, fois 10 sur le pourcentage de ta dette et le reste sur ton économie tout court. C'est-tu clair, mettons? Ben moi, je suis pas bonne en mathématiques, mais je comprends le principe. Good! Moi aussi, c'est ça l'important. Si on comprend maintenant, le principe, tout va bien. Faut juste trouver quelqu'un qui est meilleur en mathématiques que nous pour nous faire le calcul. C'est ça, pour déterminer les montants exactement. Voilà. Mais un fois 10, c'est pas pareil, t'sais. Si t'as le taux d'intérêt de 3% sur ta dette, sur ta grosse dette de prêt étudiant, mettons, hein, ben fois 10, c'est pas si pire. Ça fait 30% de ton économie que t'aurais à mettre. Dépendant du niveau de salaire que tu fais pour avoir l'économie. Voilà. Ah, okay. Ensuite, comment effacer des demandes spécifiques de votre historique de furetage sur Internet? C'est un très bon conseil pour les gens qui ont... Des demandes spécifiques? C'est une recherche spécifique que tu aurais fait dans ton historique. Ah. Okay? Donc, à la place d'aller effacer ton historique au complet, comme les gens vont faire des fois, et ça, c'est un peu louche. C'est parce que là, on utilise tout le temps, Chrome utilisait ça dans le temps, dans une petite bande dessinée, lorsqu'ils ont sorti le mode privé sur Chrome. Mm-hmm. Là, il y a Firefox, ça, Explorer, ça, tout le monde a ça. Le mode d'historique privé, bon, il disait, mettons, tu veux acheter un cadeau à ta copine, ton copain, peu importe, tu veux pas qu'il sache ça. C'est clairement un mode porn. Tout le monde le sait que c'est un mode porn. Mais on dit pour les cadeaux. Donc on va faire la même chose ici. Mettons que vous avez magasiné un cadeau pour quelqu'un et vous voulez pas effacer votre historique au complet parce que ça a l'air louche un peu. Coudon, chérie, t'es pas allé sur Internet la semaine passée, pas tout, toi. Tu leur dis pas, pas tout. Mais non, mais y'en a qui font le ménage. Il y en a qui font le ménage, et si tu le fais tout le temps, ça peut être correct. Mais si tu le fais une fois, et que le reste du temps, tu le fais pas, là, ça la louche. Non? Mais ben, je sais pas. Déjà que la personne ait vérifié l'historique, c'est qu'il fait pas elle-même confiance. Est louche, là. C'est exact. En tout cas. Ça, encore une fois, comme toujours, un excellent point. Mais des fois, tu peux oublier le mode incognito, le mode privé, donc tu peux effacer tout ton historique, comme on disait, mais tu veux aussi peut-être le faire sélectivement. Et voici comment donc le faire dans Chrome et Firefox sans rien effacer du reste. Pour effacer des pages spécifiques dans Chrome et Firefox, c'est assez similaire. Donc dans Chrome, je vais vous donner les instructions pour commencer. Vous tapez, et là, c'est pas très dur à retenir, le mot Chrome, :// comme on ferait sur une adresse HTTP. Mm-hmm. Donc Chrome, :// history. OK. Ou encore, vous cliquez dans le menu, le petit menu hamburger qu'on appelle avec trois barres dessus. Et vous allez dans historique de navigation. Ça, c'est quand même assez simple. Ensuite, vous cherchez, dans la petite barre de recherche, un mot-clé. Vous cliquez sur les petites boîtes à côté à sélectionner que vous avez peut-être même pas remarqué qu'il existait. Et vous faites sur enlever les articles sélectionnés. C'est pas très compliqué. C'est si simple. On l'a juste pas vu. T'sais, j'y vais moi-même à l'instant. Je vais aller dans historique. On peut faire aussi CTRL-H. Ah, ben là. C'est encore plus simple, là. Hein? Et là, tu vas pouvoir voir s'il y a des gens qui sont allés voir de la pornographie avec l'ordinateur de C'est Fou. Exactement. Et en plus, je peux reculer vraiment loin dans le passé. Je le ferai pas, par exemple. Je veux pas savoir ces affaires-là. voilà, donc il y a aussi des façons d'enlever les suggestions d'autocomplétion. Tu sais, quand tu tapes quelque chose dans la barre de recherche de ton Chrome normal, là, quand tu tapes dans la barre d'adresse, tu peux aussi enlever certaines affaires là-dedans. Donc, allez voir l'article pour savoir comment faire sur assemblagerequis.com. Ensuite, ça, c'est un service qui s'appelle Rock My Run, qui synchronise votre musique avec votre battement de cœur sur iOS. Mm-hmm. C'est intéressant. Donc, synchroniser votre battement par minute de votre musique à votre battement de cœur, ça va énergiser votre exercice. Il y a des gens qui font quelque chose, qui font du vélo ou de la course à pied, qui vont mettre de la musique qui est spécifiquement faite, ou en tout cas choisie, sélectionnée, pour être vraiment pompée à peu près sur le beat de leur cœur. Pas nécessairement qu'ils vont choisir le BPM approprié, mais ils choisissent de la musique qui va quand même vite. Là. Qui est beatée pour que tu puisses suivre un peu le mouvement avec ton vélo ou tes pieds. Alors, tu peux pas courir sur Stairway to Heaven. Pas tellement, non. Et puis, quand je réalise aussi que synchroniser ton vélo ou tes pieds, les deux veulent dire la même chose parce qu'un vélo, t'es aussi sur tes pieds. Il y a une nuance. Il y a une petite nuance quand même. Donc, Rock My Run, qui lit les données de sur votre petit bracelet ou autre truc de battement de cœur par Bluetooth et va ajuster la musique pour aller avec. Donc, la fonctionnalité My Beat dans Rock My Run, présentement, est seulement sur iOS. Une fois que vous avez synchronisé votre battement de cœur avec votre petit bracelet, l'application va montrer votre battement de cœur du moment. Et plus votre battement de cœur va augmenter, le tempo de la musique va augmenter. Vous pouvez aussi sélectionner un BPM, un range de BPM lorsque vous choisissez votre musique. Les mix de base sont gratuits. Ils ont une version premium à $36 pour vous donner plus de mix et de plus longues sessions d'exercice. Assez dispendieux. C'est très dispendieux. Vous avez besoin donc de télécharger le mix à l'avance ou utiliser le Wi-Fi pour synchroniser votre battement de cœur à la musique. Et les mix de My Beat ne fonctionnent pas sur un réseau cellulaire. Donc il y a quand même quelques petits détails à savoir, mais l'idée est bonne et peut-être qu'un jour ce sera encore plus développé. Il y a l'application Rock My Run aussi sur les Android, sauf qu'il n'y a pas encore la fonctionnalité battement de cœur. C'est très cool. Ouais. Ensuite, mettez vos invités à l'aise avec des sièges à hauteur similaire dans votre salon. C'est un peu drôle à dire, mais des fois, si vos chaises ou votre divan sont pas à la même hauteur, ça peut leur donner l'impression de supériorité, de votre supériorité. Ils peuvent se sentir un petit peu plus gênés, psychologiquement parlant. OK. Louche, hein? Donc, lorsqu'une personne est plus élevée que les autres, ça peut faire que les autres se sentent minimisés un peu à un niveau inconscient. Rendre votre salon confortable, oui, pour vos visiteurs, serait, entre autres, de mettre des chaises de hauteur similaire à vos divans, etc., etc. Quelque chose qu'on n'aurait vraiment pas pensé habituellement, mais ça existe quand même, comme c'est selon le blog Apartment Therapy. Tu veux que les gens qui te visitent se rendent le plus confortable possible. Une bonne place pour commencer. Ouais, je sais pas, là. Tant qu'il faut être faible psychologiquement pour se sentir abaissé parce qu'une personne sur une chaise un peu plus haute que toi. C'est ça. Exact. Mais et il y a une différence aussi entre une chaise qui était quelques pouces plus haut, plus bas, et mettons un banc de bar, mettons. T'sais. Là, ça peut en effet avoir l'air peut-être un petit peu bizarre. Ouais, mais rendu là, un banc de bar, c'est juste pas confortable. Non plus. Ensuite, c'est le service Ah, et ça, tiens, c'est drôle, ça vient d'une suggestion d'un téléspectateur aguerri, un auditeur qu'on appelle en radio, qui me demandait, mais Colin, mais comment est-ce que tu fais pour traduire tout le temps les dollars ou les euros, les dollars américains, les euros, les francs, les livres, je sais pas trop quoi, en dollars canadiens instantanément, comme ça, pendant que ta chronique, c'est ça devrait répondre là. Comment tu fais, Mathieu Plante, comment tu fais? Dis-le nous, arrête de garder ça pour toi. Tu sais, c'est quoi, tu t'assieds tout sur un banc de bord? Tu vas-tu le dire? Non! Dis-le! C'est le service AutoConvert qui est vraiment, vraiment pratique. C'est pour Google Chrome. On peut facilement convertir à peu près n'importe quoi avec Google, le service. N'importe quoi? Ben, pas non, en fait, pas du tout. Mais pas mal d'affaires, je te dirais. Les distances, les poids, les zones horaires aussi, les fuseaux horaires se traduisent avec ça. Ah, c'est cool, c'est vraiment ça. Bien. Donc, google.com, l'engin de recherche, www.google.com, ça existe. On peut traduire des affaires, on peut convertir des trucs, mais seulement dans la version anglaise, parce que moi, j'ai essayé tout plein de fois, genre, convertir 10 km en 1000 ou le contraire, mettons, et en français, que dalle comme résultat. Alors qu'en anglais, il apparaît des services qui te le font, là. Mais en anglais, c'est une grosse boîte avec un gros chiffre qui te marque, genre, le résultat. Super simple. Ben oui, en français aussi. Ben, j'ai pas trouvé la façon de l'écrire correctement. Parce que je l'écris comme je l'écrirais en anglais, convertir X en X, ça marche pas. Ben, je sais pas, d'habitude, je fais juste 10 000 quelque chose en, puis ça me le fait. Ouais, en tout cas. Bref. Quand même, ça se fait, sauf qu'il faut ouvrir un nouvel onglet. Moi, je préfère la petite extension AutoConvert. Vraiment très, très automatisé. Et c'est qu'en plus, on peut choisir ses paramètres et après ça, les synchroniser sur Internet pour les avoir sur chacun de vos ordinateurs, autres appareils qui pourraient avoir besoin de la même conversion. Une fois que AutoConvert est installé, toutes les conversions sont automatiques. Et ce qui est le fun, c'est que ça va surligner la version d'origine, disons, bon, 10 miles, et ça va souligner avec des petits tirets, traits d'union. Et quand tu passes ta souris dessus, c'est là que ça te donne la version en l'autre. Donc, tu vois l'original et tu peux en dire l'autre. Les deux en l'autre. Uh-huh. Tu peux aussi le faire convertir pour que ça apparaisse dans la version convertie sur la page web et quand tu passes ta souris dessus, ça le met en l'original. OK. T'as vraiment okay. Les deux sens. Ah, c'est cool. C'est vraiment super bien fait. Donc, c'est AutoConvert sur la galerie d'extension de Google Chrome. Ça me sauve bien la vie. Ensuite de ça, on va y aller avec... Je me demande un autre conseil financier ici. Votre salaire est peut-être imprévisible. Ça arrive que votre salaire est imprévisible. Pour couvrir vos dépenses régulières sans salaire stable, vous pourriez vous installer un compte d'économie dans une banque différente de votre banque normale. Les gens qui travaillent à la pige devraient avoir, en fait, nous dit-on, un compte personnel et un compte affaires. Chez Red Debted Stepchild, on suggère d'aller encore plus loin et de garder ses économies dans une banque différente de votre compte chèque. En plus d'avoir un compte chèque, ouvrez-vous un compte d'économie, nous dit-on. Vous êtes peut-être mieux d'ouvrir un compte dans une autre banque que la banque où vous gardez votre compte chèque. Ça va être plus difficile de dépenser votre argent de façon impulsive. Ben, j'avoue que c'est un excellent conseil. Vos économies sur un compte qui n'est pas accessible par carte... Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que bien des gens font, je suis pas original là-dessus, mais chez Desjardins, entre autres, il y a un compte Hop Économie de je sais pas quoi, là. Et bref, il est pas accessible par la carte. Quand tu vas en magasin, tu peux pas appuyer ton chèque, ton épargne, mais t'as pas le compte d'économie qui est mon troisième compte. Okay. Donc, si je veux prendre de l'argent dans mon compte d'économie, il faut volontairement que j'aille sur un ordinateur ou mon téléphone et que je me change de l'argent de compte, que je me transfère ça. C'est beaucoup moins probable que je le fasse rapidement. Déjà, tu peux... avec ta carte, par exemple, sur le compte épargne, mais tu as des frais supplémentaires. Oui. Fait que déjà, ces frais-là peuvent être dissuasifs dans certaines occasions. C'est là, vrai. Donc, tout à fait. Moi, c'est ça. C'est un troisième compte et non pas le bouton épargne, juste pour clarifier, parce que le bouton épargne pourrait vouloir dire c'est ton compte épargne. Okay, on se comprend. Bref, une fois que vous avez payé vos factures par mois, mensuelles et par quart d'année, par comment, pas trimestre, mais l'autre mot, là. En tout cas, bref. Saison. Par saison, on va dire par saison. Dans votre compte chèque, le reste de l'argent irait dans un compte économie que vous ne pourriez pas utiliser. Et c'est ça, vous pourriez même l'utiliser pour votre, vos achats de tous les jours. Au moment où vous sauriez que c'est pas que l'argent que vous avez à mettre sur vos comptes, c'est vraiment payé parce que c'est avec un autre compte. Oui, bref, oui, oui. On se comprend là-dessus. C'est quand même un bon conseil. Ensuite, c'est une application pour le Mac maintenant qui s'appelle Hocus Focus qui va automatiquement cacher vos fenêtres inactives. Vous avez sûrement déjà vu dans Windows 7 et plus. En fait, j'ai redécouvert ce conseil-là. Parce que j'avoue que je l'utilisais pas et j'utilise Windows 7 seulement sur mon gros ordinateur à la maison, c'est-à-dire pas très souvent. J'ai redécouvert le truc de brasser la souris pour faire disparaître les fenêtres derrière. C'est plusieurs fenêtres ouvertes sur Windows 7 et plus. La fenêtre qui est sur le dessus, t'as juste à cliquer et brasser ta souris, ça va se débarrasser de toutes les fenêtres derrière. C'est quand même cool. Ah. Puis si tu rebrasses, ça ramène tout. C'est quand même le fun. Je savais pas. Bon, donc sur le Mac, c'est pas la même chose exactement. C'est plus dans le sens que c'est vos applications qui sont inutilisées, donc inactives. Si vous êtes le genre de personne qui a plusieurs applications ouvertes en même temps, vous savez que ça finit par prendre de la place, puis on se demande où est rendue telle fenêtre. Il faut que tu cliques dans les boutons en bas ou que tu fasses le petit bouton exposé pour montrer toutes tes fenêtres. Ça peut être compliqué. Donc, cette application-là, Oculus Focus, a quelques petites options. On peut demander à ce que l'application soit cachée après une période de temps prédéterminée ou lorsque tu bouges une autre application. Tu peux aussi avoir des profils pour que ça se comporte différemment dépendant de ce sur quoi tu travailles, donc par application, peut-être laisser Spotify ouvert ou des trucs comme ça. Donc c'est une façon de créer un espace de travail sans distraction pour mieux travailler. Donc dans le petit menu là, tu vois sur la photo sur assemblagerequis.com les applications qui sont visibles et les applications qui sont cachées. Quand tu veux y retourner, tu cliques sur le menu Oculus Focus, tu as une petite baguette magique et tu recliques sur ton application. Je trouve que c'est quand même bien. Ouais. Ouais. Ensuite de ça, c'est c'est un service web qui est fait pour faire des petites animations avec des émissions de télé. Donc on peut faire dire à peu près n'importe quoi avec des émissions de télé. Je vais essayer d'aller ouvrir la page sur l'autre ordinateur qu'on peut entendre en onde. Mais donc c'est une façon, bref, de prendre des clips des émissions de télé et des films que vous voulez pour créer de petits clips vidéo avec un clip de chaque mot. Donc, s'ils n'ont pas le clip d'humour, dans le fond, c'est que ça va faire du saccadé. Là, mettons le mot par mot. Là, ouais. Donc, s'ils n'ont pas le mot que vous voulez, Crumbles va utiliser une voix par ordinateur à la place pour le faire. Un petit peu stupide, mais quand même assez amusant. Je crois que c'est ici, Crumbles. On va entendre un extrait des Simpsons. Si ça ne vous dérange pas trop. Attention. Passer ici. On voit ce que ça donne. Allez, vas-y, fais-le, vas-y. Vas-y. Est-ce que tu joues? Est-ce que tu joues? Tu joues pas? Tu veux pas jouer, hein? Moi, je le vois jouer, mais je joue pas. Il y a pas le son. Il y a pas le son? Il y a pas le son. Pourquoi? Pourquoi? On va essayer un autre vent. Allez. Excellent. Time to party! We will party hard. Eh boy, hein, c'est pas super réussi. Time to we will party hard. Il y a comme une coupure entre chaque, je trouve, moi. Personnellement, ben, c'est sûr. Tu t'attendais à quoi? Ben, est-ce que les bouts sont un petit peu plus arrondis, tu sais? Ouais, non, c'est assez... Mettons, dans un instant classique, je me force à arrondir les coins, pour que ça sonne pas aussi saccadé, tu sais. Genre. Ouais, mais c'est pas mot par mot. Non, mais tu sais, les mots sont au début et à la fin d'une phrase, puis ils marchent pareil, tu sais. Il n'y a pas de début qui coupe puis de fin. Ouais, mais il n'y a personne d'intelligent là, qui fait le montage. Non, non, c'est sûrement. Ouais, j'avoue, t'as raison. C'est ça. C'est personne d'intelligent. Je viens de te dire que t'es intelligent, là. Hey, c'est un compliment, ça. Et de un. Non, c'est pas vrai. Ensuite, c'est un petit graphique qui vous montre les exercices que vous pouvez faire au bureau. Simple comme ça. Parce qu'on sait que s'asseoir à votre bureau toute la journée, c'est pas bon pour votre corps, c'est pas bon pour vous en général. Vous pouvez vous lever, aller prendre une petite marche, une petite promenade. Un graphique donc de Desirable Body vous montre quelques exercices à faire pendant que vous êtes à votre bureau. On a déjà parlé de quelques-uns de ces exercices, mais quand même le graphique est quand même assez pertinent. D'utiliser votre... je trouve que le zoom des articles va mal dans la vie, j'ai de la misère à voir... Trop petit, c'est vraiment minuscule. Donc, utilisez votre chaise pour commencer avec... de vous asseoir sur votre chaise avec vos jambes croisées, de s'asseoir bien droit, de retenir votre ventre et ensuite de vous lever en utilisant les bras de votre chaise. Tu te lèves Seigneur, sur les bras mais sur une chaise qui roule, ça peut être dangereux. Oui, ça. Il faut une chaise solide aussi, que les bras vont pas juste tomber quand vous allez le faire. T'as pas besoin de zoomer, hein? T'as une petite loupe sur l'image. Pourquoi? Si t'es capable de la trouver, là, ça va être plus facile. Je viens de cliquer dessus, puis ça marche pas de mon côté. On peut utiliser aussi son bureau, bref. Donc, tu te mets... Colin, attends un peu, là. Je suis pas capable de scroller cet ordi-là. Je suis pas capable. OK, je vais l'avoir. Pour vrai, je suis pas capable. OK. Un jour, je vais y arriver. Donc, c'est ça, c'est le tricep dip. Donc, c'est de vous pencher un petit peu avec les bras derrière votre corps et sur votre bureau et de faire des descentes et des montées avec vos bras derrière vous sur votre bureau. Les ouais, mains, avec les coudes alignés vers l'arrière. C'est ça. Il y a plein de petites spécificités à retenir qui sont dans l'article. On peut utiliser aussi ses poignets sur le bureau pour en les inversant, donc pour avoir l'intérieur de votre main vers... Ouais, juste pour les relaxer un peu. C'est ça. Pour s'étirer le bas du corps, simplement s'asseoir sur sa chaise et mettre une jambe dans les les airs. T'as s'étirer les épaules en mettant, bon ça on l'a tous déjà fait, mais en se prenant les deux mains dans le dos et en tirant une épaule un petit peu plus haut que l'autre et l'autre par en bas. T'as le spinal stretch, qui est simplement de faire virer votre chaise et votre, dans le fond, de après ton bureau. Colonne, c'est ça, tu twistes ta colonne, mais sans vraiment vous poigner après la chaise parce que tu vas peut-être te faire mal au dos en faisant ça. Le hamstring stretch pour étirer l'entrejambe. De mettre une jambe sur le bureau alors que le reste de ton fessier est sur la chaise. Il y en a plein d'autres. C'est une photo avec des descriptions assez claires. Il y en a une quinzaine, en fait exactement 15, sur assemblagerequis.com. Les chevilles, le dos, les épaules, tout est là-dedans. Donc allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Ensuite, comment convertir des piles 2A en des batteries C avec quelques petites bandes de carton? Hein? Ouais, hein. Si t'as besoin de batterie C pour des outils, par exemple, un petit peu de carton ou du papier très très épais peut convertir des piles 2A en presque pas de temps. Des fois, donc, des outils que vous avez ou des jouets ont besoin de plus grosses batteries que les batteries 2A qui sont communes. Et les lampes de poche et les D, hein. Les lampes de poche, il me semble que c'est des batteries D. Ben, ça dépend de quel type de lampe de poche que t'as, ouais. Mais c'est un peu moins commun, il me semble, que les batteries. C'est quoi les C? Ouais, c'est quoi les C? C'est les grosses rondes? Les grosses rondes, mais c'est pas les mêmes que les grosses rondes. Il y a comme plusieurs grosses rondes. Je vais aller voir batterie, des batteries, juste pour le fun. Parce qu'il me semble c'est que... C'est pas ce qu'on voit sur l'image, les C? Oui, mais c'est à l'échelle, il y en a des plus grosses que ça. T'as des petites grosses et des grosses dans les batteries. T'sais, mettons... Mais là, c'est les grosses, les C? Non, c'est ça l'affaire. Ça, là, ici, là, je te prends mon gros mastodonte d'ordinateur. Ça, c'est une batterie D. C'est très, très, très, très gros par rapport à la... Ah, je pensais que les D, c'était des carrés. Non, ça, c'est des 9 volts. Je pense qu'ils ont une lettre, elle aussi, mais je peux pas te dire laquelle. Et ça, c'est une C. Tu vois qu'elles sont très, très similaires, mais c'est plus petit. Bref, on s'en farge d'un fleur, mais ouais, C et D, c'est pas la même chose. Ah, ben c'est ça, je pense qu'il y en avait une qui était carrée, c'est pour ça que j'étais un petit peu... Non, mais je serais intéressé, moi aussi, à savoir la 9 volts, c'est une batterie, quelle lettre? Je pense qu'on l'appelle juste 9 volts. L'appelle 9V, qu'on dit. Mais c'est quand même 9 volts. Mais là, pauvre site, elle a même pas de nom. Non, c'est plate, hein? Mais elle a son propre courant, fait que c'est quand même cool. Ben, c'est pour ça qu'on l'appelle des batteries carrées. C'est des batteries carrées! Et en même temps, c'est même pas des carrés, c'est des prismes rectangulaires. Fait que ta batterie prisme rectangulaire, genre, non. Ouais, mais le ouais. Ouais, ben c'est ça. On s'en sait. Ben je sais. Il commencera pas à dire, mais là, hein, c'est comme dire que c'est un rond pis c'est une sphère, là. Attends un peu, là. Pas ma fin. Ben oui, non, mais t'es... Ça reste différent quand même, là. Ça serait plus cube que carré, tout déjà. On est en train de parler de batterie C, hein? Donc, dans des outils ou des jouets, vous avez besoin de batteries C, mais qui sont beaucoup moins communes que les batteries 2A. Un YouTuber, Kipkai, recommande une simple conversion de... Si votre, mettons, votre lampe de poche a besoin de courant ou autre truc qui utilise une batterie C, les batteries 2A, c'est la même longueur et le même voltage que les batteries C. Pas que les batteries D, mais que les batteries C. Donc, la seule chose qui les empêche de jouer dans votre gadget, c'est la largeur. Donc, vous pouvez utiliser... un petit morceau de carton ou du papier épais, des bandes de papier, et les emballer autour de la batterie 2A pour augmenter la circonférence de la batterie. C'est quand même simple. Hein? Le seul désavantage ici, c'est que les batteries 2A ne vont pas durer aussi longtemps que les batteries C, parce qu'ils ont plus de force dedans. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que rien, et tellement simple à faire. C'est juste la largeur qui change, donc emballer ça. Je sais pas, je serais vraiment pas du genre à... MacGyver et ça? Non, je niaise pas avec ça. Moi. Ouais, mais ça reste que c'est physiquement vraiment l'intérieur est pareil, donc il y a pas vraiment de risque de grand chose. Ensuite. Ouais, tu peux aller t'en acheter puis c'est plus simple. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, on va terminer là parce que commence à être long. Cette chronique-là, on va revenir avec une autre petite partie tantôt d'instruction d'assemblage parce qu'on. Hier, je sais pas si tu te souviens, Steph. Je t'en souviens pas parce que t'étais pas là, mais quand même, je te le dis. On a vidé l'arrière-boutique de Ça existe, ça devrait pas, on l'a. Ah. On l'a pas vidé au complet, mais on a fait 4 chroniques de Ça existe pour essayer de découler du stock et il en reste encore plein, à peu près l'équivalent de ce qu'on a fait hier. Oh. Fait qu'on pourrait facilement se faire un autre 2 heures de Ça existe. Ça t'a coûté combien en tout? Ah, j'ai mis ça sur le compte de C'est fou, là. Plus d'instructions au retour à Assemblage de Rookie, c'est là. Fou d'originalité. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requin en ce jeudi 23 avril 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans une vingtaine, trentaine de minutes, on va voir Justine Renaud et sa collègue Justine Pertine. Mm-hmm, on a très hâte après ça. Myriam Lortie va être là aussi. C'est une journée féminine aujourd'hui. C'est cool, j'aime ça. On a parlé que je mettais des talons tantôt. Fait que voilà, t'es fait démasqué. Mais pour l'instant, on écoute Purity Ring. Voici Push Pull au 89 FM, c'est fou. Ring et Push Pull. Je sais que le nom Purity Ring te fait toujours bien rire. Mais on peut faire des liens aussi avec le titre de la pièce. Mm-hmm. Mm. Push Pull. Pousse-tire. C'était quoi? Oui, hey, c'est vrai. Ça me rappelle le groupe. Il y a un groupe qu'on a reçu en entrevue à un moment donné qui s'appelait Yesterday's Ring. Est-ce que tu te rappelles? Yesterday's Ring, c'est clairement un gag de l'anneau d'hier, là. Comme la région de la Naudière, j'ai catché comme la semaine passée. Fuck, c'est vraiment c'est génial. C'est super bon. Là. La Naudière, Yesterday's Ring, allô. Là. Bravo. Ah, oh, c'était écœurant. Bravo. Oh mon Dieu, wow. Hein, je t'ai fait exploser le cerveau. Là. Ouais, pow. C'est ce qui m'est arrivé la semaine passée. Non, mais on se rend compte à cette heure, t'as des croûtes à manger, hein? Bon, cassé! c'est comme ça qu'on détruit une personne en défaisant toute sa façon de gaguer. Ça, c'est pas un conseil que je vais vous donner parce que c'est le retour des instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! C'est les instructions d'assemblage, chronique dans laquelle on se dit comment vivre un peu à peine. On joue un peu vos parents, là, mais bon. À un moment donné, vous avez le droit de ne pas nous écouter comme avec vos vrais parents. Ben, c'est comme voilà. Vous. C'est comme vous voulez. Commençons avec un sac, un discard bag qu'on nous suggère de mettre dans notre garde-robe. Un sac pour se débarrasser de vêtements régulièrement. Pour débarrasser votre garde-robe, je dirais. Ah. Hein? Le decluttering qu'on appelle. Des fois, votre garde-robe est tellement plein, mais c'est des affaires que vous ne portez pas vraiment. T'sais? Donc, simplifiez-vous la tâche de se débarrasser des vêtements pour envoyer peut-être à une œuvre de bienfaisance en ayant toujours un sac à portée de main dans votre garde-robe. C'est quand même assez simple. Donc, c'est l'organisatrice de garde-robe professionnelle, Kate Brown, hein, Catherine Lebrun, qui offre ce truc pratique chez Elle Décor. Donc, aussitôt que vous enlevez un vêtement pour une raison qui n'est pas pratique, donc qui n'est pas pour le porter, c'est que c'est probablement le moment de s'en débarrasser. Donc, il garde un sac bien identifié avec une poignée à l'avant, donc dans son garde-robe, avec une poignée à l'avant de son garde-robe et non pas une poignée à l'avant du sac. On se comprend. Donc, à chaque fois qu'elle essaie un vêtement et qu'ensuite elle l'enlève parce qu'elle le trouve pas flatteur sur son corps, qui lui fait pas, qui est peut-être. Ah! Tu sais, quand je te dis que Windows 8 faisait une barre dans le milieu de l'écran, là, je veux juste que les gens en soient témoins. Comment c'est gossant? C'est arrivé là? Oui! Une grosse barre, tu peux rien faire d'autre que cliquer sur close. Pourquoi ils font ça? C'est Windows 8. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est plus la question que je me demande. Bref. Donc, Catherine Lebrun, on disait, si ton vêtement n'est pas très flatteur, que tu trouves qu'il est plus à la mode, donc si tu le retires du garde-robe, juste pour n'importe quelle raison autre que il est sale, tu sais, genre, ou il ne matche pas avec le reste de mes vêtements, ben tu le mets dans le sac. Puis quand le sac est plein, tu le donnes à une œuvre de bienfaisance. Super simple, hein. Et si c'est dans le sac, tu le laisses là. T'as pas le droit de le ressortir non, par culpabilité. Hé, hey, wow, là. Wow, t'as bien raison. Ensuite... Parce que c'est mon genre. Ouais, c'est ça. Modifier maintenant un banc IKEA pour faire un très simple rack à vélo. Ah? C'est vraiment une excellente idée. Je disais pas plus, y a pas plus longtemps qu'hier à l'émission que chez moi, mon vélo est accoté contre le mur et une table est mise devant le vélo parce que sinon le vélo prendrait trop de place parce que le guidon est large. Puis tu sais, ça prend de la place un vélo, tu sais. Donc, si vous voulez minimiser la place qu'il prend sans avoir à mettre quelque chose contre pour le faire tenir, c'est très très simple avec le IKEA Frosta Stool. C'est un banc, tout ce qu'il y a de plus simple de chez IKEA. Et on va donc utiliser ce banc à 15$ là, le mettre à l'envers, donc le fessier par terre. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, oui, t'as le dossier puis le fessier. Ben, il me semble que ça a du sens. Et après avoir fait quelques petites modifications des pattes, vous allez avoir un simple rack à vélo. Facile à utiliser. Vous pouvez aller voir le blog. C'est un blog qui s'appelle IKEA Hackers, qui est justement que des gens qui hackent des produits cool. IKEA. Vraiment super bien. Et c'est un petit peu plus simple à faire que de mettre des crochets sur le plafond et tout le temps avoir à suspendre son vélo. Parce que c'est lourd si tu l'achètes pas à 1500$ en titane de je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est oui. Lourd. Ben oui. Ouais. Puis on s'entend, tu sais, le vélo, je sais pas, tu vas dans la pluie, t'as pas nécessairement le goût qui s'égoutte partout. Ça dégoûte du chat, rien, non. Un peu de respect pour votre chat, rien, non. Maintenant, essayez de convaincre votre patron de vous donner une période sabbatique en apprenant de nouvelles habiletés. Ouais. Prendre une pause de votre travail pour voyager et vous faire une immersion, si on veut, dans un nouvel environnement, ça a l'air vraiment bien. Mais faire que votre patron accepte ça, ça peut être difficile. Donc, pour essayer de convaincre, montrez-leur les nouvelles capacités, les nouvelles habiletés que vous allez gagner, habiletés, et donc ramener ça à la compagnie plus tard. Hein? Donc, good.co, good.company, nous dit que certains employeurs savent déjà ça et offrent justement des périodes sabbatiques de travail dans leurs avantages, bénéfices de compagnie. Donc, vous pouvez vérifier avec votre département de ressources humaines pour voir si votre compagnie fait ça. Probablement pas, mais il y en a quand même. Sinon, vous pouvez faire une liste de vos capacités, habiletés que vous allez apprendre pendant votre pause que votre compagnie a besoin. Et si ça fit avec l'endroit que vous voulez prendre pour vos vacances, mais quand même, vous allez faire les deux en même temps. Mm-hmm. Génial. Donc, vous et votre patron, votre compagnie, allez en bénéficier. Le lien est sur assemblagerequis.com. Puis tu perds rien à t'essayer, là. Tu perds jamais rien à essayer. Jamais. Pas rare, en tout cas. À moins que tu demandes quelque chose de vraiment faramineux, puis là ton patron dise, ben écoute donc, t'es donc ma princesse, puis là. Ben y'a pas le droit de te sacrer dehors pour ça. C'est une belle raison. Bien raison. Ouais. Non, il peut trouver d'autres choses, quand même. Ouais, essaye de le prouver. C'est exactement, essaye de le prouver après ça. Ensuite, rendez votre maison à l'épreuve de la poussière avec de l'adoucisseur à tissu et une solution d'eau. Une solution. C'est quoi l'adjectif pour. aquatique. Mouillé. Moi, ouais, c'est ça. Bon, on va y aller avec aquatique mouillé. Aquatique mouillé. Donc, on sait déjà que les petites feuilles de sécheuse, ça peut aider à repousser la poussière. Vous avez déjà vu les petits balais cheapo chez Dollar à truc avec des petites feuilles genre avec qui attirent la poussière. Là. Ça ressemble un petit peu au... Vous avez sûrement vu la similitude. La ressemblance. La similitude. Je sais jamais si c'est similarité ou similitude. En anglais, similarity. En français, similitude. J'ai bien de la misère avec ce mot-là. C'est comme rein puis foie puis tout. Similarité, ça doit être pour d'autres choses. Hein. Peut-être que c'est juste un calque de l'anglais, non? Peut-être. Peut-être. Quand savons-nous, vraiment? Hein? Ah, une joke de savon? Elle est vraiment excellente. OK, donc, c'est ça. Pour une façon cheap, pas chère, plus versatile, utiliser de l'adoucisseur à tissu, donc une solution d'adoucisseur à tissu et d'une bouteille de spray finalement. Okay. Donc un peu comme de l'adoucisseur à tissu en feuille, il va créer une barrière pour la poussière. Leur contrepartie liquide va faire la même chose aussi. Okay? Okay. Selon Reader's Digest, une grande source de vérité infuse, tu sais. Mais tu sais. Et d'entrevue avec Jean-Pierre Coigny. Lecteur. C'est ça exactement, la digestion du lecteur. Bravo. Donc, nettoyer une table de vitre, les portes de douche et d'autres surfaces dures et repousser la poussière avec un adoucissant à liquide, adoucissant à tissu liquide, voilà. Donc, mixer, mélanger une partie d'adoucisseur à tissu, toujours dur à dire, avec quatre parties d'eau dans une bouteille à squirt. Hein? À squirt. Comme une bouteille de liquide à vaisselle, par exemple, ou n'importe quelle lave-vitre. Appliquez un petit peu de solution à un linge propre, évidemment. Frottez la surface et ensuite polissez avec un linge sec. Okay? C'est très, très Madame Chastache comme conseil. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais quand même. C'est très pratique et ça pourrait être bon pour les paresseux. Et c'est ce qu'on veut dans cette chronique-là pour les paresseux de ce monde qui veulent pas avoir à épousseter tout le temps. J'ai quasiment le goût d'essayer parce que, rendu là, c'est quasiment... C'est pas nécessairement une question de paresse. C'est une question que si t'as un meuble noir... Oui. Ainsi qu'un chat. Je te dirais que. Peu importe la couleur. Je te dirais que. Ouais, c'est... Sauf noir. Mais je te dirais qu'après 2 jours, t'as l'impression que c'est rien passé, même des fois 10 minutes après. Ouais. Je m'excuse là, mais époussetter un PlayStation. Ah, waouh, oui. C'est la pire chose au monde. En plus, quand tu l'époussettes, tu l'ouvres, tu le fermes, puis tu sors le CD parce que c'est au contact très, très léger. Ouais, là. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, si on pouvait s'en passer. Vraiment. Peu. Tout ce qui est les surfaces shiny, tous les gadgets de nos jours, on dirait, tu sais, qui sont piano black là, ou noir de jet ou des trucs comme ça, qui sont pas mât. Plastique. Moi, je préfère le mât dans tout dans la vie. Là. Ben ouais. Mais le shiny, là, ça attrape tellement les taches. Là. Ouais, donc le pied de la télé, PlayStation. Oui. Game Boy. On a une téléspectatrice, Caméra 3, qui nous envoie solution aqueuse. Merci Michel. Solution aqueuse, c'était pourtant clair. Ben, aquatique, aqueuse, c'est la même mouillé. Racine. Mouillé, ça c'était bon aussi. Solution mouillée. Ben oui. Ouais, mais ça peut être mouillé d'autres choses que d'eau, par exemple. J'avoue. Et quand on parle de squirter tantôt, on passe à un autre sujet. Wow. Quelque chose qui est mouillé puis qui squirt. Okay. Donc, on revient au garde-robe, en fait, après ce moment inconfortable, malaisant. Commencez avec rien et rajoutez des affaires pour débarrasser votre garde-robe. Encore un autre conseil là, pour vraiment débarrasser la place. Et là, on l'utilise pour le garde-robe, mais ça pourrait être à peu près pour n'importe quoi. Même pour un déménagement, ça pourrait être vraiment bien aussi. C'est très, très bien de se débarrasser de choses dont on n'a plus besoin. Et en même temps, ça pourrait peut-être vous faire de l'argent si vous voulez vendre certains trucs. Ça pourrait être ça aussi. C'est pas nécessairement juste pour faire des œuvres de bienfaisance. Ça peut être pour se débarrasser, pour faire de l'argent parce que vous avez besoin d'acheter un nouveau MacBook, mettons, noir. À 1600$, mettons. Qui pogne la poussière? Oui. Mais il est tellement beau! Donc, pour être plus efficace dans votre débarrassage de trucs, c'est le blog dont on parle souvent, Apartment Therapy, qui nous offre ce simple truc. Oh! La batterie est à 11%, Steph. Ouais, branche-les. Non, je sais, mais je peux-tu me lever en ce moment? Mais je trouve ça drôle, parce que on parle de Windows 8 souvent, juste parce que, tu sais, c'est vraiment de la merde. Mais il a bipé avec un indicatif sonore à 14% et à 11%. Pas à 15 puis à 10, là. À 14 puis à 11. C'est bizarre. Je vais juste vous faire remarquer... ça. La logique derrière tout ça. Chant. Donc, Apartment Therapy nous dit de ne pas commencer avec votre garde-robe plein et d'enlever des affaires comme tantôt. Il nous suggère de faire exactement le contraire. De clairer le deck. Vide le bateau. Sors la grange de toutes ces... De choisir ce que tu remets à l'intérieur. C'est ça. Avoue que c'est bien pensé quand même. Ouais. C'est incroyablement plus facile de savoir ce que tu veux que savoir ce que tu veux pas dans la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Non? Ça dépend des gens, je pense. Mais moi, je pense que c'est ça. Je sais plus ce que je veux que ce que je veux pas. Bref, ça a du sens. Vider la place et rajouter une par une. Ça pourrait être pour la vaisselle aussi. Vider la vaisselle, remettez les tasses que vous utilisez et les tasses que vous trouvez vraiment laides, donnez-les. Amenez-les à l'armée du salut, peu importe. Ouais. Bref, on a compris le principe. Ensuite, hey, tiens, je pense que ça reste dans le même moule, ça. C'est un autre truc que j'aime beaucoup. C'est de vider votre boîte de courriel avec l'option nucléaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que c'est ça, l'option nucléaire, c'est la meilleure chose qui a jamais été inventée, je trouve. C'est de dire « fuck that shit ». Fuck that shit. Hey. C'est de répondre aux courriels qui sont dans votre boîte de courriel locale, juste le début. Puis après ça, le reste, tu mets le feu là-dedans. T'effaces tout. Comme ça, t'as plus de rien par tout à stresser d'affaires que t'as pas répondu depuis des mois. Tu répondras pas à un courriel que t'as reçu il y a deux mois en disant, tu sais, je vais répondre plus tard. Tu répondras pas, il te réécrira. T'effaces tout ce que t'as pas besoin dans ta boîte de courriel à place. Je sais que toi et moi, on est à jour dans nos courriels, puis il y a juste un courriel sur la page d'accueil, je sais. Non, j'ai plusieurs courriels sur la page d'accueil, okay. Mais c'est des trucs dont j'ai besoin ou que je veux garder, puis j'en ai d'autres qui sont triés. Mais archive-les sur Gmail, tu peux les archiver au moins, c'est ça qui est le fun. Moi, je préfère l'option archiver. Les gens, des fois, vont effacer leur courriel, moi, je préfère les archiver. Comme ça, tu as un engin de recherche pour pouvoir en retourner dans ça dépend lesquels. C'est ça, ça dépend. Il y en a qui c'est totalement inutile. Exact. Donc, pour se rendre à votre inbox zero, c'est, des fois, ça peut ne pas valoir l'effort de trier. Quand vos courriels sont trop vieux. Donc, c'est ce que Michael McWater, un architecte de l'expérience utilisateur, suggère de faire. C'est d'effacer tous vos messages en un seul coup nucléaire. Donc, si vous avez le cran de le faire. Là, on parle évidemment. Mais je perdrais plein de trucs. Ouais. Mais ça, c'est plus pour. Il faut différencier aussi différentes sortes de courriels. T'as ton adresse courriel personnel, là-dedans, t'es pas vraiment stressé. Moi, en tout cas, j'ai jamais été stressé par mes courriels personnels. Personnellement, j'ai jamais eu de stress avec ça. J'ai toujours eu un, deux ou trois courriels max sur ma page d'accueil. Il n'y a pas de problème. Mais un courriel professionnel qui s'est accumulé beaucoup d'affaires, peut-être que s'est accumulé du spam que tu n'as pas entretenu parce que tu reçois des milliers de courriels par jour, des courriels de ton boss, des courriels de tes employés si tu en as. Tu réponds aux affaires qui sont urgentes au fur et à la mesure, sauf que des affaires qui prennent du temps, puis à un moment donné, tu vois que tu n'as pas besoin d'y répondre. Et à un moment donné, les gens attendent même plus de réponse parce qu'ils ne s'appellent même plus qui t'ont écrit. Si c'est important, ils vont te réécrire, donc tu peux faire l'option nucléaire sur un courriel plus professionnel. Il faut s'adapter. Ah non. Je suis désolé, je trouve ça totalement irresponsable. Ouais. Ben, c'est sûr, mais tu sais, tant qu'à ne pas répondre avant trois mois après. Ouais, mais tant qu'à ça, réponds puis fais ton travail. Ouais. Ça, c'est sûr. En tout cas. C'est sûr, ça dépend vraiment du nombre de courriels que tu reçois. Mais oui, je peux comprendre ton point là-dessus. Oh, mais tu peux faire le tri en toute connaissance de cause. Tu vois que clairement, ça, t'as pas à y répondre, ben, tu supprimes, mais. Ouais. Prends le temps de vérifier au moins, là. Tout à fait. Ensuite, une simple routine qui pourrait vous économiser 30$ par semaine sur votre épicerie. 30$ par semaine. On aimerait ça, je pense. C'est beaucoup. J'ai hâte de voir. Moi aussi, j'ai très hâte de voir. Dans 3 secondes, ça va arriver. Et voilà. Donc, technique simple, parce qu'apparemment, quand il dit 11% de batterie, ça veut dire j'éteins tout de suite. Le Windows 8, apparemment. Fait ben oui, pour pas que tu perdes rien. Ouais, mais tu fais ça à 5%, pas à 11%. En tout cas, bref. Donc, une technique simple de trouver des ingrédients en vente, ça, je pense que ça va. Et ensuite, de construire des recettes autour de ces ingrédients-là. C'est de procéder un petit peu à la méthode, mais peut-être pas inversée, parce que souvent, on va trouver des affaires en vente, puis on va s'en servir quand même. Mais là, c'est de baser complètement ton épicerie sur les ingrédients qui sont en vente et de trouver des recettes par la suite. C'est un petit peu plus de travail que de se faire une liste d'épicerie, parce qu'on recommande souvent de faire une liste d'épicerie et de ne garder que ça. Genre de ne faire que tes achats sur la liste d'épicerie, ne pas commencer à acheter des affaires alternatives ou outre ça. Ça pourrait vous exposer aussi à la technique de prendre que des rabais à des nouveaux types de nourriture que vous auriez jamais essayé si elles n'avaient pas été en spécial. Donc c'est le Simple Dollar qui nous dit ça, qu'il a économisé M. Trent Ham, le fondateur de Simple Dollar, plus de 12 000 $ depuis les 8 dernières années avec cette simple routine, qui est de prendre la circulaire, trouver les ingrédients frais en vente, faire des recherches tout de suite. Tu sais, tu vois, ça pourrait être bien, là. Tu prends les circulaires et tu cherches tout de suite tes recettes. Comme ça donne envie de les acheter, ça. C'est ce que je fais. Cool. Ensuite, tu crées un plan de repas pour une semaine complète. Tu te fais une liste d'achats à partir de ces plans-là et tu vas faire ton épicerie et tu gardes seulement les articles que tu avais sur ta liste. Donc, j'économise déjà. Oui. Donc, ça serait terrible si... si je faisais pas ça. Exact. Donc, si t'as besoin de sources pour des recettes, bon, évidemment, tout en français, certainement des plus communes que les miennes, mais Yumly et Kitchen Bowl sont bons pour marquer les ingrédients. Yumly, je l'ai déjà vu, okay. Mais j'ai jamais été vraiment satisfaite. Ensuite, Tiens, on reste dans les repas, de créer un kit d'urgence pour les lunchs, pour faire de meilleurs lunchs en sac, donc des lunchs pour le travail. Avoir des repas délicieux, abordables et santé. Ça prend de la planification et évidemment, ça prend un certain engagement. Donc, vous pourriez avoir des petits kits d'urgence de dîner dans votre bureau pour améliorer vos repas médiocres. On dit de faire focusser votre kit, votre ensemble, sur des articles qui vont ajouter de la saveur à vos dîners normaux comme des sauces ou des épices. C'est le blog Pop Sugar qui a une liste de choses qu'on peut utiliser, qu'on peut garder au bureau pour tout le temps l'utiliser dans vos lunchs. Par exemple, de la sauce soya, des petits paquets de noix, de l'huile d'olive, du vinaigre, de la sauce piquante, du miel, du sel de mer, sel marin, des petits flocons de poivre rouge, et puis des petites serviettes humides pour si tu fais des dégâts avec ça. C'est dans la liste. C'est des flocons de piment. Piment, excuse-moi. De piment. Ouais. C'est difficile des fois, pepper, c'est du poivron, c'est piment, c'est pas. Ben ouais, mais j'en utilise pas. De prendre. En fait, t'as poivron, piment, puis poire. Ouais, c'est ça. L'idée de prendre le même mot, c'est ça, c'est pas la même. C'est perturbant. C'est d'habitude, je dis maudit français, mais maudit anglais des fois aussi. Hein. donc, on peut aussi, évidemment, se faire un petit kit. Vraiment, tu sais, ça pourrait être une petite boîte, un petit sac avec des ustensiles jetables ou des bâtons, des petites baguettes. Pas jetables, mais bon. Pas nécessairement jetables, là, mais tu sais. Pour au cas où vous les avez oubliés, mettons. Ouais, t'en gardes un kit. Ben ouais. Ensuite. Pour calmer un peu le clic trop perturbant, tu sais, je sais pas si t'as déjà remarqué, Steph, et absolument loin de moi l'idée de te reprocher ça, parce que c'est vraiment pas un reproche, mais quand y a pas de fond, des fois on t'entend cliquer puis taper sur le clavier. On entend beaucoup le clic de la souris dans le studio. Je sais pas si t'as remarqué ça. T'as remarqué ça? Parce que la souris est puissamment cliquant. Tu peux rendre un petit peu plus silencieuse ta souris qui claque tout le temps, qui clique et claque, avec un peu de mousse mémoire. Le son répétitif d'une souris qui clique, surtout quand t'habites dans un appartement avec une autre. Ouais, attends. On l'entend vraiment bien. Si je fais fort, là, je fais fort. Ouvrez le micro magique juste. Clic, clic, clic. Parfait, c'est parfait. Donc, le son répétitif d'une souris qui clique peut devenir irritant rapidement, comme en 3 secondes devant le micro magique, mettons. T'sais. Ça peut déranger la paix des gens autour de vous. Limite, la paix dans le monde. Oui, c'est vrai, changer le monde avec nous, avec les instructions d'assemblage. Un peu de mousse mémoire peut changer les choses sans aucun besoin de soudure ou rien. Donc, si t'es tanné. Soudure. Sans soudure. Non, mais là, c'est parce que c'est en plastique. Je sais bien. C'est l'article qui disait ça. Je vais juste lire l'article. Donc, on peut acheter une souris silencieuse, mais on ne sait pas avant de l'acheter comment silencieuse sera-t-elle. Donc, on peut faire un petit peu de travail sur votre souris que vous avez déjà. Vous avez besoin d'ouvrir votre souris et être confortable avec les petits appareils électroniques. Donc, vous allez devoir avoir des mains un peu quand même, un peu de dextérité manuelle. Le guide de R. Anderson sur Hub Pages explique tout ce que vous devez savoir. L'intérieur de votre souris n'est pas toujours identique, mais les parties mécaniques avec lesquelles vous allez travailler, elles, sont toujours similaires. Une fois qu'on a coupé quelques petits morceaux de mousse mémoire et qu'on a suivi les instructions, vous allez pouvoir cliquer comme un ninja en très peu de temps. Le guide complet sur assemblagerequis.com, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à la radio, mais l'article est sur le site et vous allez vous retrouver avec des images, quand même assez simples pour calmer votre clic de souris. Est-ce qu'on pourrait faire ça sous chacune des touches du clavier? Non, je pense pas. Maintenant, construisez un petit compartiment caché dans une plante en pot pour cacher vos articles de valeur. Ah, tu sais, j'ai reçu comme cadeau à la Luitre, là, notre joueuse, on va la mentionner en nom, notre amie Maud Paquette de la Luitre, a donné des cadeaux au staff et elle m'a donné un petit pot, ok? C'était comme un pot de fleurs, ok? Avec du gazon synthétique, ok? Et c'est un potted plant pour les pens, genre c'est un pen holder. Tu plantes tes crayons dans le. C'est tellement cute, là, j'en reviens même pas. Donc, un peu le même look ici avec un pot de plantes, sauf qu'ils ont pris on va lire l'article. Un compartiment caché pour cacher ses affaires, c'est quand même une très bonne idée. Donc, on utilise une fausse plante chez IKEA, un pot décoratif, un petit contenant de plastique, donc un couvercle, si on veut, vraiment pas très épais. C'est sur Instructables, l'utilisateur M3G qui a trouvé une façon décorative de cacher ces choses-là. Donc, les seuls outils dont vous avez besoin, c'est une lame très coupante, de bricolage, par exemple, et un fusil à colle chaude, un peu de bricolage aussi. La partie la plus difficile va être de trouver un morceau de plastique qui va fitter avec votre pot, exactement. Donc, si le pot a un petit rebord, il faut que le plastique puisse tenir sur le rebord. Et la plante, évidemment, vous allez la couper à un certain endroit avec votre couteau et coller la plante dans le fond de votre couvercle de plastique et mettre de la terre dedans et entrer ce couvercle-là dans votre grand pot. Et les affaires, votre montre super luxueuse, votre mais là, argent... Mais tu peux pas faire ça avec une vraie plante. Non, c'est ça. Il faut une plante de plastique chez IKEA, okay. Mais, ou autre, là, évidemment, mon suggère IKEA dans l'article. C'est un guide étape par étape avec des photos comme toujours sur Instructables. Allez voir ça. Je trouve que l'idée est quand même bonne parce que les gens vont jamais penser, je pense, à regarder dans des pots de plantes. Non. Ils vont regarder un congélateur avant ou en dessous de votre matelas. Ah. Ben. C'est les endroits plus communs, mettons. Ouais, j'imagine. Je sais pas, genre, je t'avais juste jamais arrivé de fouiller. Non. Moi non plus. Ou encore, sur votre terrain où il y a absolument rien sauf une roche. T'sais. Sous le paillasson. Sous le paillasson. Faites attention aux affaires trop faciles comme ça. Il faut que ça ait l'air un minimum ninja. T'sais. Ouais. Un minimum. Ah, et finalement, ça, c'est vraiment cool aussi. Tu sais, ton routeur Wi-Fi. Ouais. Ou comme diraient les Français, ton routeur Wi-Fi. Hein? Des fois, là, il est vraiment laid, mettons. T'sais. Ben oui, la plupart du temps. Pas mal laid. T'sais. Et souvent, à la vue de tous, parce que tu veux qu'il envoie les ondes, tu sais, partout. Fait que tu le mets en plein milieu du salon. D'autres, ils vissent au plafond. Ah, c'est cool. Nous autres aussi, assez fou, ils vissent au plafond. C'est vraiment intelligent, ça. Ben, on voit beaucoup de fils, là, mais... Ouais. C'était la seule façon d'avoir le Wi-Fi partout dans l'appartement. C'est ça. Ça arrive. Parce qu'on a vu bien des affaires sur Internet de comment la propagation du Wi-Fi se fait. Et, c'est assez particulier. Faut vraiment le mettre en effet en plein milieu de la maison si vous voulez avoir de la place du Wi-Fi partout. Bref, tout ça pour dire que vous pouvez cacher votre routeur Wi-Fi dans un rack à magazine et le mettre en pleine vue de tous, mais ça va juste avoir l'air d'un livre parce que vous le mettez à la verticale. C'est un petit distributeur, pas un distributeur de livres, mais un truc pour garder vos revues ou des trucs comme ça, vos magazines. Ouais. C'est fait en tissu souvent, ça ressemble à un livre, il y a une petite étiquette dessus, genre magazine, tu sais. Et c'est fait pour mettre les magazines, c'est fait en genre de prisme. Et avec une fente rectangulaire pour mettre les magazines et les voir un petit peu. T'sais. Donc, vous pouvez le mettre debout et insérer votre routeur et les fils à l'intérieur de ça. C'est pas fou. Et les fils sortent en arrière sans aucun problème à cause de la fente pour les reliures de magazines. Donc, c'est super comme idée. Ça vient de Design OCD. OCD pour Obsessive Compulsive Disorder. Je sais pas si vous saviez. C'est un TOC, finalement. Donc, c'est Design TOC. Le nom du site, je trouve ça cool quand même. C'est vraiment facile pour cacher plein d'affaires et vous pouvez le mettre avec vos consoles de jeux vidéo ou avec n'importe quoi et ça va avoir l'air juste complètement de rien du tout. C'est très très très cool, super de bonne idée. Super. J'aime ça. Génial. Cool. J'aime la discrétion que ça apporte. Moi aussi. Ouais, je pense que c'est assez pour ça. Ah. Moi. Ah. Moi. Moi. On aurait pris d'autres, mais on sait pas. T'sais. On sait pas. On veut être prêt pour l'arrivée de Justine Renault tantôt. Donc pour l'instant, on va prendre la pause et on va aussi écouter du Viet Cong avec la pièce Newspaper Spoon. C'est une bonne idée, ça. Que voici à l'instant sur C'est fou 89.1 FM. OK. Newspaper Spoons par Vietcong à Assemblage Rock. On prend une pause au retour, c'est Justine Renaud qui s'en vient avec sa chronique Justine Pertine. On est ensemble jusqu'à 9h30 à Assemblage Rocky, restez là. Ben certain. Bon, sinon on va parler dans votre dos pendant que vous êtes pas là. Fou de folk. C'est fou. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requiem ce jeudi 23 avril 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans une demi-heure, plus ou moins, on va avoir Myriam Lortie et la chronique Zone Campus pour terminer la semaine, parce qu'on n'aura pas de poste d'écoute aujourd'hui, sachez-le. Ben non. Ben non. Puis après ça, dans une heure, ça va être Génie en liberté. Fait que tu sais, à un moment donné, on vit une chose à la fois, hein? Ben oui, là, faut se calmer. On va commencer par Justine Renaud. Pour vivre le présent. C'est ça, oui. Justine qui est comme un cadeau, comme un présent pour nous. Exactement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle s'en vient tantôt. Mais pour l'instant, on écoute une pièce de Orange O'Clock sur le palmarès anglophone. Ooh. C'est une nouvelle entrée qui se nomme... Can't Fight a Feeling! C'est ça que j'allais dire. Assemblage requis. Est-ce qu'on parle tout le long de la chanson? Non. Non, OK. Flying blind over the moon. Nothing comes of nothing. Yeah, nothing. I'm breaking through. What are you gonna do? You told me forever. Together. Just let the feeling come through. You're ready leaving again. Or do you just run out? You're ready leaving again. Or do you just run out? Tell me what's the truth. You gotta stop this soon. Which way are you turning? Yeah, keep turning. I'm raising the roof. You feel backed into a corner. You told me forever. Together. Just let the feeling come. You're really leaving again. Or do you just want out? You're really leaving again. I know. Fight the Feeling par Orange O'Clock. Assemblage requis, nouvelle entrée du palmarès anglophone cette semaine. Oh, que c'était bon. T'es coeurant. Une orange, tu sais, c'est le fun à presser. Ouais, ouais, à boire, à peler. Ouais, Justine est le fun à pertiner. Fait que c'est Justine Pertine. Elle presse l'information dans notre cerveau. Elle fait s'égoutter la connaissance dans nos oreilles. Ah! T'essaieras de faire des liens à chaque chronique, à chaque semaine de la vie, toi. T'es pas obligé de faire des liens. Je suis sûre que je suis connue mondialement. T'as juste à dire Justine Pertine, les gens, ils savent c'est quoi. Exactement. Non, mais tu sais. Tout à fait. Non, mais c'est correct. Je préfère être comparé à un jus d'orange fraîchement pressé qu'à autre chose. Je sais pas, un jus à fait de concentré. Ben, quoique... Quoique. T'es concentré pas mal dans ton sujet. Oh! Bref, ouais. On a pas 1000 ans pour divaguer sur des conneries aujourd'hui. Parce qu'on a un sujet assez large. Assez velu. Velu, oui. Velu. Pas on comme une orange, comme une pêche. On parlait de Mathieu aujourd'hui? On parle de Mathieu. Mais en fait, c'est ça qui a inspiré la chronique, non? C'est toi qui as inspiré ma chronique hier quand je suis allée chercher mon disque dur en tablette ou ma memory stick ou ma clé USB. J'ai vu Mathieu poilu, homme des cavernes, sortir du studio de sa caverne. Il était comme avec ma clé USB. Puis j'étais comme, mon Dieu, je vais tellement parler de ça. Crème, belle image, ça. Non, mais c'était très viril. Okay. J'en suis presque changé de bord. Mathieu viril. Ouais. Mon Dieu, tu t'influences, hein? C'est ça. Oui, effectivement. Bon. Cheveux et poils, on va parler de ça. Good. C'est le temps aussi des séries. Donc, les barbes de séries, non pas pas comme la barbe à Mathieu, parce que ça, c'est pas une barbe des séries. Tellement pas, mais c'est une barbe des séries, genre The X-Files. Mettons. Exactement. Ça genre, série télévisée. Hey, mais ma barbe des séries télévisées. Ben oui. J'ai pas le temps d'aller me raser. Je devrais porter un t-shirt avec ça. C'est une barbe des séries télévisées. Bon. Ouais. Hey, la première question. Si tu vivais un cheveu, oui ou non? Je pense que non. Hein. Ça dépend à quelle partie tu prends. Ah, OK. Non, parce qu'à la racine du cheveu qui contient qui est le follicule, dans le fond, le follicule contient des cellules. Ah. C'est des cellules qui font le cheveu. Mais t'as le cheveu en pousser, tant que tel. J'imagine. Ben, c'est ça. Mais le poil, le cheveu en tant que tel n'est pas vivant. Ce qui dépasse, puis qui est dur et qui est mince et qui est long. Qui est piquant. Qui a de l'aide d'un cheveu, là. Ouais, ça, c'est pas vivant. En forme de cheveu. Ouais, en forme de cheveu. Le cheveu en forme de cheveu n'est pas vivant. C'est quoi, en fait? C'est des filaments de protéines qui poussent à partir de follicules que l'on retrouve dans le derme. Le derme, c'est un mot fancy pour dire peau. Hein? Okay. C'est une strate de peau. C'est pas l'épiderme. L'épiderme, c'est à l'extérieur complètement. Le derme, c'est la deuxième couche. On les retrouve presque toute la surface de notre corps, ça on le sait, mais c'est presque tout, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas du poil partout. On a des zones de notre corps qui sont glabres, sans poil. Hein? Un glabre, c'est un beau mot pour mettre sur Scrabble. Exactement. Ces endroits-là sont, pour vous le rappeler, hein, la portion intérieure de vos mains, la plante de vos pieds, vos lèvres, vos paupières, nombrils, etc. Il y en a plusieurs autres parties, mais là, à chaque fois que je faisais une recherche, je trouvais d'autres parties. Puis là, des parties un petit peu plus intéressantes que d'autres, genre des parties génitales, mais bon. Hein. Ce dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est pas des parties génitales, ni le poil, comment il est construit. On va plutôt s'intéresser à comment il pousse. Ouais. Donc, je partirai pas une espèce de présentation magistrale sur c'est quoi la protéine du cheveu, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est complexe. C'est très complexe. Je vais juste parler de comment ça pousse un poil. Comment ça pousse. Donc, les cheveux poussent en trois étapes. Anagène, catagène et télogène. Toutes ces phases se produisent simultanément sur la surface de notre corps. Par exemple, on peut avoir une mèche de cheveux qui est en phase anagène, tandis que l'autre mèche juste à côté peut être en mode télogène, pour vous donner une idée. Le corps est couvert de plusieurs types de cheveux et poils, dont le poil velu. Ça, c'est un petit peu comme un pléonasme. Ouais, hein? Ça, c'est par exemple les poils de bras. Le poil androgène, par exemple, le poil de barbe et poil pubien. Et les cheveux, par exemple, les cheveux. Oui, tu as dit différents niveaux de rugaison. De rugaison et de twistaison aussi. Oui. Donc, la manière dont les filaments de protéines seront assemblés lorsque les poils poussent va être distincte entre les différents types, hein, on s'entend? Si on parle de la phase anagène, c'est-à-dire la première phase, elle est aussi connue comme phase d'élongation ou phase de croissance. C'est une phase qui peut durer de 2 à 6 ans. Attachez votre tuque. Genre, mettons, vous pouvez commencer par exemple, un baccalauréat, puis finir votre baccalauréat, puis encore avoir certains poils qui étaient dans leur phase anagène du début à la fin, quand même. pour certains, vous avez le temps de changer de programme 4-5 fois. Dépendamment de l'endroit du corps ou du type de poils, ça va être entre 2 à 6 ans, comme je l'ai dit, mais ça dépend aussi de la génétique de la personne. Il y a des gens qui ça va être plus 2, d'autres plus 6. Plus les poils demeurent longtemps dans cette phase, plus ils seront longs. Donc, admettons que ma mère, ses cheveux poussent super rapidement, mais il y a plus de chances que moi aussi, mes cheveux vont pousser super rapidement, puis ça veut dire que nous autres, notre phase d'élongation est de 6 ans à peu près. Ça a du sens parce que c'est ça, mes cheveux, moi, poussent super vite, mais ma barbe, on m'a dit que ça avait l'air d'une barbe de 6 jours, ça fait 3 semaines et demie. Oui, c'est ça, ça dépend de la zone du corps. Très lent. Pendant cette phase, la phase anagène, les cellules du follicule pileux, hein, c'est ce qui est juste à la base du cheveu, hein, ils vont grossir et sont en pleine production de filaments protéiques qui sera le cheveu. Le follicule pileux se nourrit des nutriments dans le sang, dans les vaisseaux sanguins, juste en dessous du derme, avec l'aide des papilles dermiques. Ça, c'est pas comme ça à la langue, ça a une autre fonction. À tout moment, on a environ 85% de nos poils qui sont en mode anagène. C'est quand même une bonne gang. Éventuellement, le poil pousse et sort par la peau. Ça, c'est quand on commence à avoir le cheveu pour de vrai. Et le poil va continuer de pousser tant que la phase catagène n'est pas entamée. Hein? La phase catagène, c'est quoi? C'est la prochaine. C'est au moment où que le corps envoie un signal pour amorcer l'étape qu'on dit de transition. C'est la transition entre quand ça pousse puis quand ça tombe. Il y a seulement 1% des poils du corps qui vont y répondre à tout moment à ce signal-là, dû à la spécificité du signal. Cette phase est nécessaire pour le renouvellement des follicules, sans quoi les follicules s'épuiseraient. Pendant 2 semaines, le follicule va rapetisser, se désintégrer. La papille dermique, on a dit qu'elle n'est pas dans la bouche, qui est sous la peau, qui servait d'échangeur turco pour les nutriments entre le sang et le follicule, va se détacher. Donc, il n'assurera plus la croissance du poil qui va arrêter de pousser. Ceci permet de ne pas utiliser les ressources de notre corps pendant qu'on n'a plus besoin de fournir d'énergie pour faire pousser ce cheveu. On est donc en mode économie, si on peut le traduire ainsi. Le follicule, au final, va rapetisser jusqu'à 1/6 de sa taille initiale, sa taille au moment où il est le plus gros. Et la phase de transition, ou catagène, est par la suite suivie par la phase télogène, 2 semaines plus tard à peu près. Donc, la phase télogène, pendant celle-ci, le follicule demeure en dormance, un petit peu comme la Belle au bois dormant, avec meilleure haleine, pendant 1 à 4 mois. On l'appelle aussi l'étape du repos, donc. De 10 à 15% des poils sont en phase télogène à tout moment. C'est quand même une bonne proportion. Souvent, le poil va demeurer ancré dû à la multiplication des cellules épidermales. Ça, c'est les espèces de cellules que vous voyez en ce moment si vous tenez votre main, votre, n'importe quelle partie de votre corps. Il y a de la peau. Mais la main est plus facile à tenir devant les yeux que certaines autres. Tu peux passer ton pied, Steph? Ah, le pied, c'est facile. Une fesse, c'est pas évident. Non. Ouais, mais un pied, ouais. En tout cas, dans tous les cas... Tu prends un pied puis tu donnes un mille ou je sais pas quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. On regarde la peau, puis au niveau de la peau, c'est l'épiderme, là, celle qu'on voit. En dessous de l'épiderme, c'est le derme. Mais quand l'épiderme se multiplie, on sait ça, c'est la peau morte, elle tombe à tout bout de champ, là, mais ça veut dire que c'est une peau qui... C'est un niveau de peau qui se multiplie énormément. Et parce que ça pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup, ça va ancrer le bout de follicule pileux de notre poil qui reste. Ça veut dire qu'il reste comme attaché à notre corps, mais artificiellement. Mm. Il est un petit peu comme plugué, comme un grand-parent à l'hôpital. Oh, c'est un peu artificiel. Je suis désolée, c'est un peu dark. mais le poil, j'ai écrit ici « pile » dans mes notes, le « pile ». Le « pile » est bel et bien prêt à tomber. Hein? Il est Bill prêt Clinton. À, il est prêt à mourir. Oh, parle-moi pas de politique, toi, ça me turn on. Surtout celui qui est américain, hein? Le type, la politique américaine. Bon, à un point, hein, on parle de la mort du poil. Le follicule qui va arrêter de pousser va se remettre à prendre de l'expansion. Puis c'est à cause de tout ça que le poil va tomber. En prenant de l'expansion, ça va fragiliser l'ancrage du poil dans l'épiderme et le poil va finalement tomber. Et c'est pour ça qu'on peut perdre jusqu'à 50 à 100 cheveux par jour. C'est quand même beaucoup. Ça fait capoter, mais c'est pas tant que ça. En ce moment, le moment où que le cheveu tombe est 2 semaines environ, un nouveau cheveu va remplacer celui qui a tombé. Parfois, les phases anagènes et télogènes, par exemple, sont superposées. Ce que je veux dire, c'est qu'à maintenant qu'il y a un poil qui est en train de tomber, l'autre est déjà en train de pousser en dessous. Fait que ça arrive des fois que le remplacement se fait quasi instantanément. Vous êtes probablement intéressé à la vitesse à laquelle un cheveu pousse. On vous a dit en moyenne 1,25 cm par mois ou environ 15 cm par année. Mais c'est très variable. Pour moi, c'est plus quelque chose comme 2 à 3 cm par mois et une trentaine de centimètres par année. Pour vrai, vrai, là. Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup à la coiffeuse. Beaucoup. J'en abuse. C'est un abus de coiffeuse. Saviez-vous aussi, dernier petit fait intéressant avant d'aller en musique, que nous sommes nés avec tous les follicules pileux qu'on a aujourd'hui. On est nés avec toutes nos follicules pileux, ce qui fait en sorte qu'un bébé, si ça avait à pousser beaucoup de poils, ça serait poilu, mais genre bien ben concentré. Ouais. Ça serait comme au ça pouce carré, à peu près genre 10 000 poils, ça serait vraiment le fun. Boule de poils. Mais t'as vu, il y a une famille, là, je me rappelle pas trop en quel pays, là, qui sont garnis de poils sur le corps au complet, leur face au complet, c'est du poil, tout ça. C'est ouais, quelque chose, ça, là. Ça arrive souvent en Inde, si je me trompe pas. Y rases-tu? Ben, il y en a qui se rasent, ouais. Ouais, mais tu sais, ça repousse tellement c'est, vite. Moi, c'est ça, c'est vraiment comme des petits ours, là. C'est, ouais. C'est vraiment spécial. Ouais. C'est donc bien cute. Ben, c'est ça. Moyen. C'est quand tu te fais traiter d'animal de compagnie, c'est pas vraiment nécessairement un compliment. Je sais, ça doit pas être le fun pour la psychologie de la chose, mais moi, si je regarde ceci, je trouverais ça cute. Tu veux les adopter. Mais sais-tu quelle actrice a vraiment particulièrement de belle peau? Epidermie Moore. Je vais finir avec ça. C'est tout. Epidermie Moore. Oh my God. Ouais. Elle est vraiment très bonne. Ben merci. Ceci dit, on va aller écouter une chanson qui ne parle pas d'Epidermie Moore. C'est une jolie chanson très hipster, Flowers in Your Hair de The Lumineers. Poil, poil, poil, poil, poil. Hein? Je pertine toujours, toujours et toujours. Oh, regarde-moi pas comme ça. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair. See, it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot, and now we demonstrated it to the cops. And all the things we said, we were self-assured. Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, I, be in my heart. So now I think that I could love you back, and I hope it's not too late, cause you're so attractive. Devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. C'était Devil's Haircut de Beck, un grand classique que j'adore. Avant ça, on a entendu Flowers in Your Hair, The Lumineers. On se mettait en mode Oshiaga un petit peu avec tous les hipsters qui vont y être, ou les faux hipsters, ou les hipsters d'une fois par année. vous l'aurez deviné, on parlait de cheveux, on parlait de poils et comment ça pousse. Essentiellement, stressez pas quand il y en a dans votre douche. C'est normal que ça tombe. 10 à 15 % de vos cheveux sont en train de mourir à chaque instant. Ils sont là, en ce moment, en train de se plaindre. Ils sont en phase terminale, mais ils meurent pendant 1 à 4 mois. OK. Ouais, quand c'est, même long, là. C'est long, c'est long. Débranchez-les, branchez-les. Débranchez-les. On cherchait d'autres chansons qu'on a pu jouer dans la chronique de cheveux. Trois accords, je pense, Steph. En français, ouais. Laisse-moi te laver les cheveux. Il y avait aussi Tout nu sur la plage avec des gens avec des poils. Plein de chansons que je n'ai pas dans mon répertoire, malheureusement. Non. Mais c'est un bon choix. De toute manière, ce matin, on est un peu pressé. Il est 9h en ce moment. Ouais. C'est le temps de passer le flambeau à la prochaine chroniqueuse. Tout à fait. Mais on a appris entre-temps qu'on allait te retrouver la semaine prochaine. Oui, absolument. Je vais être là exceptionnellement. Je ne sauterai pas une semaine. Je vais skipper la postologie indiquée. Tant mieux, parce que dans deux semaines, on sera pas là. C'est ça. C'est correct. Moi, je vais être là la semaine prochaine. Okay. On va parler de caféine, probablement. Good. Parce que fin de session égale caféine. Ben, soit ça ou ben, peut-être cocaïne, mais je préfère pas parler de ça. Pour certains, là. Mm. Pour certains, mais ça, c'est un petit peu plus hardcore. Tellement. Je vous le propose pas. Justine Renaud, à jeudi prochain. Oui. 8h30. Absolument. Merci. Yes. Bonne journée. Bonne journée. OK. Nous, on s'en va en pause un petit peu. On va aller, après ça, à parler avec Myriam Lortie, la journaliste et rédactrice en chef, et tout le kit du Zone Campus. Mais pour l'instant, parlant de campus, c'est l'info campus. C'est ça. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Rocky en ce jeudi 23 avril 2015. Elle est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Ah oui, c'est vrai. Il nous reste seulement une demi-heure avant Génie en liberté, qui commence à 9h30. Mais avant ça, on a une dernière chronique pour boucler la semaine. Habituellement, on ferait le poste d'écoute. Cette semaine, on n'a pas envie d'entendre la nouveauté. On veut rester dans notre confort, assis sur nos lauriers, je te dirais. Donc, à la place, on va s'asseoir sur l'oreiller. Et écoutez Myriam Lortie nous parler du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Sur l'oreiller. C'est une magnifique présentation. Merci. Ce matin. Je sais tellement. Donc, on parle du Zone Campus, volume 10, numéro 16. C'est le dernier numéro de l'année oui, scolaire. Oui, c'est ça. Tu disais pour clore la semaine, mais aussi l'année du Zone Campus. C'est triste. C'est je triste. Te dirais. Ouais. C'est donc du 21 avril au 4 mai qu'on va retrouver ce numéro-là, mais il va être en kiosque pas mal plus longtemps que ça. Oh, probablement qu'il va flâner un petit peu pendant l'été dans quelques kiosques. Il faut bien qu'il se repose un peu, le petit Zone Campus. Ben là. Oui. Hein? Donc, sur la couverture. Parlant de l'oreiller sur la couverture. Ah, on comprend le gag. Hey boy, on vient de le comprendre. C'est tellement recherché. Donc, on retrouve le 43e mérite sportif des Patriotes. Une année riche en émotions et en talents. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est la dernière page du journal. C'est pour ça que j'avais pensé en parler à la fin, mais je vais t'en parler tout de suite, étant donné que c'est la une. Ben voilà, voilà. C'est le gala de fin d'année des Patriotes, le mérite sportif des Patriotes. C'était le jeudi 9 avril dernier au CAPS de l'UQTR et ça vise à récompenser tous les étudiants athlètes parce que des fois, on dirait qu'on l'oublie que c'est tous des étudiants, ces athlètes-là, puis ils ont des horaires, j'imagine, de fou. Je peux vous nommer les lauréats. Donc, Francis Desrosiers de l'équipe de hockey s'est distingué en tant que recrue de l'année. Il y a Félix Plouf, joueur de hockey également, qui était très surpris, mais pas peu fier de se voir attribuer la bourse Raymond Champagne. Mm-hmm. Caroline Lapierre-Lemire, qu'on a beaucoup entendu parler dans la zone campus et qui quitte maintenant le monde universitaire. Elle termine sa maîtrise. Elle termine en beauté son passage avec le titre d'étudiante athlète de l'année. Et là, il faudrait que je retrouve sa cote. C'est de. Elle a une moyenne de 4 sur 4,33, ce qui équivaut à peu près à Ouais, A, puis 4.33, c'est A+. En plus de sa notation. En plus, fait que... Wow. Elle est folle. Elle est folle! Dans le bon sens, ça, c'est dans un le bon sens, si elle m'entend. puis il y a les deux patriotes de l'année qui se sont mérités le titre de patriotes de l'année. Ben oui, hein. Gabrielle Lambert, de l'équipe de soccer féminine. Et Billy Lacasse, vétéran et joueur clé dans la formation de hockey des Patriotes. L'équipe de l'année, vous l'aurez peut-être deviné, mais c'est l'équipe de hockey. Ah, toujours l'équipe de hockey. Ben, félicitations à tout ce beau monde-là. Le compte-rendu complet du 43e mérite sportif des Patriotes. Yeah! On passe en actualité, même si on a fait du sport un petit peu, on y reviendra plus tard. En actualité, on commence avec les locaux du pavillon à la vie étudiante, un accord qui va bonifier la collaboration entre la GE et l'UQTR. Oui, ben en fait, ça fait 3 ans que le président de la GE est en négociation pour arriver à cette entente et que là, qui s'est fait dernièrement, c'est une entente volumineuse qui lie l'AGE et QTR avec les principes de bail et de location pour ses locaux commerciaux, donc ceux qui génèrent un revenu, comme la chasse-galerie, le 10-12 parce qu'on peut le louer, et la halte garderie. Donc, l'université n'avait pas l'obligation de fournir des locaux au service de l'AGE, mais cette entente-là assure la réservation aux activités de l'AGE UQTR dans ces locaux-là pour les 5 prochaines années. Et ça fixe le prix du loyer pour les 5 prochaines années aussi. Donc, ça va faciliter le budget. Et puisque, oui, parce que moi aussi, je l'ai comme un peu appris avec cette histoire-là, mais l'AGE UQTR a payé une grande partie des frais pour le pavé, ouais. Sauf qu'il appartient quand même à l'UQTR et que, donc, l'UQTR doit accorder le prêt de locaux à l'AGE UQTR. Et pourquoi ils doivent payer un bail, c'est pour les locaux commerciaux, okay. Comme je l'ai dit. Et étant donné que le pavé appartient à l'UQTR, là, avec cette entente-là, ils ont comme réussi à ce que les frais liés à la sécurité publique soient désormais à l'UQTR. OK, payé par l'UQTR et non, l'AGE a pu à débourser pour la sécurité, mettons, de la chasse-galerie lors d'événements, mettons. C'est ben, ça? C'est ce que Mathieu Roy, le président de l'AGE UQTR, nous dit. Il dit l'association s'assure dans cette entente d'une enveloppe substantielle qui servira à couvrir les frais de sécurité reliés aux agents de sécurité du service de la protection publique et qui assure la sécurité lors des soirées achalandées à la chasse-galerie ou au 10-12. D'accord, c'est bien ça. Alors, ensuite, on a évidemment le mot de la rédactrice. À bon port pour sur la fin de session, j'imagine. Oui, le bateau s'est rendu à bon port. Ben, c'est ça. C'est clair, dit comme ça. L'Association générale des étudiants, c'est l'heure du bilan 2014-15. Oui, ben en fait, c'est un retour sur l'année 2014-2015 de la GE-UQTR avec chacun des postes, les accomplissements qu'ils ont eu pendant l'année. Ouais. En prévision du prochain conseil exécutif qui va entrer sous peu. Et on va savoir le résultat des élections aussi du président et du vice-président aux affaires socio-politiques on est jeudi demain à midi à la chasse-galerie. Parfait, vous pouvez suivre ça sur Facebook sur l'AGE UQTR qui vont passer les résultats parce que le zone campus est terminé pour la session. Oui, ça se peut qu'ils mettent des petites nouvelles parce que c'est quand même le président de l'AGE. Justement, parlant du président de l'AGE, il y a un article sur ce qu'il a fait. Oui, parlant du président de l'AGE, ouais. Mathieu Roy, ça fait 3 ans qu'il est là, donc on a une entrevue avec lui pour... En fait, il y a 2 textes qui portent sur Mathieu Roy. Mathieu Roy a décidé d'offrir, si je peux dire ça, une lettre ouverte à la communauté universitaire en page d'opinion, c'est en page 13 si je ne me trompe pas. Ouais, on va s'y rendre tantôt. Il fait un retour sur son passage à l'AGE ces 3 dernières années, pourquoi il s'est impliqué, puis c'est beaucoup, beaucoup de remerciements aussi qu'il fait. Puis dans cette entrevue-là, en page 4 avec la journaliste, c'est plus sur les réalisations qu'il a fait pendant son mandat. Aussi des conseils pour le prochain président, par exemple, les prochains qui vont s'impliquer, ils doivent le faire pour eux, pour la collectivité, mais ne doivent pas se travestir pour les idées et se trahir et ne jamais se mettre à genoux. Être honnête envers toi-même et ne pas être là pour le prestige que le poste procure. Et là, Mathieu Roy, finalement, quitte l'implication universitaire. Il laisse la place à d'autres. Il dit que ça va lui manquer, mais que, il se situe entre la nostalgie, l'accomplissement et le besoin d'un nouveau départ. Et il dit qu'il va faire un MBA et qu'il veut terminer ses études au plus vite pour arriver sur le marché du travail et peut-être se destiner à une carrière politique. Ah, c'est... Ça me surprend pas de quelqu'un qui veut être président de l'AGE. Souvent, c'est parce qu'il veut aller en politique. Ouais, souvent, c'est le club école. C'est ça. Par le club, Le club d'entrepreneurs étudiants de l'UQTR au départ sur les chapeaux de roue. Oui, mais en fait, le 18 mars dernier, là, ça fait un petit bout, il y a le club d'entrepreneurs étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui annonçait sa réouverture. Donc, il y a un comité organisateur composé de Enzo Carasso, Sarah Bruy-Minx, j'espère que je dis bien, Marie-Philippe Durand, Joey Hébert, qui ont relancé ce club-là pour stimuler la fibre entrepreneuriale des étudiants. On a parlé, ça fait pas si longtemps, du Startup Weekend. Mmh. C'est là qu'ils se sont comme vus, qu'ils ont tissé des liens solides, puis qu'ils ont eu envie de relancer le club d'entrepreneurs étudiants de l'UQTR. Et donc, ils vont aider les étudiants à se lancer, donner des pistes, montrer ce qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Et il y a beaucoup de choses qu'ils veulent mettre en place dans les prochains mois, même, je dirais, années. Entre autres, des rencontres à chaque mois, des conférences avec des profs, des entrepreneurs, des investisseurs. Puis la première était le 7 avril dernier, au temps d'une pinte. Et un gros projet qu'ils essaient de mettre en place en ce moment, ça, c'est pour l'été 2016. Ils voudraient organiser une mission entrepreneuriale d'environ 10 jours. Puis le concept, ce serait de partir en autobus et d'aller à la Silicon Valley. Ah ouais, wow! En autobus. Cool! Et ils voudraient trouver un commanditaire. Ils veulent amasser des fonds. Ils veulent amasser 50 000 $ et aussi un commanditaire majeur. Et ce commanditaire-là, tout le trajet pour se rendre, soit les 50 heures aller et les 50 heures revenir, ils travailleraient sur un projet pour ce commanditaire-là. Et là, ils iraient à des endroits clés, là, des visites pédagogiques. Ils arrêteraient à ton Harvard, Yale, Facebook, Google, Apple. Ouais. Et donc... génial. On leur souhaite, en tout cas. Oui, ils ont vraiment des beaux projets. Je trouve ça stimulant. L'éditorial de Sébastien Guertin dit être une lettre d'adieu à Mathieu Roy. T'en attends pas une du tout. On a parlé avec lui mardi. Donc oui, tout à fait. Parle pas du tout de Mathieu Roy. Absolument pas. toujours en actualité, le Gala des 5 continents, une soirée riche en diversité. Oui, c'était le samedi 11 avril dernier. Ça se déroulait au CAPS de l'UQTR. Il y a eu 29 spectacles qui ont été présentés par des étudiants de 27 pays différents. Et ça s'est poursuivi par une soirée dansante au local 10-12. Le thème était « Zénith des cultures, lumière sur le monde ». Il y a eu de la danse, comédie musicale, chant, danse traditionnelle aussi, défilé de mode. Il y a le groupe La Montagne est blanche qui a remporté UQTR en spectacle. Raciste. Aussi, qui a fait une prestation. Je blague. La montagne est multicolore. Oui. Il y a 400 personnes qui ont assisté et le président de Complice, qui est le comité qui organise le Gala des 5 continents, Guy Haïssi, il se disait très content de l'organisation cette année et il dit que le taux de participation de la présente édition surpasse environ de moitié celui de l'année dernière. Mm-hmm. Et il y a deux pays qui se sont ajoutés, soit l'Iran et le Bénin. Complice fait un beau travail cette année. Ils ont d'ailleurs été récompensés aux bourses d'implication de la GEUQTR et Service aux étudiants. Oui. Cette année. Super. Toujours en actualité, on a deux segments récurrents des chroniques, mais sans l'être vraiment. La recherche à l'UQTR, un sujet plus que d'actualité. Oui, c'est Maric Grégoire qui est à la maîtrise en communication, qui étudie le discours du gouvernement libéral pendant la grève étudiante de 2012. Mm-hmm. Donc, il y a quand même des liens à faire avec ce qui se prépare, peut-être. Voilà, c'est donc plus que d'actualité, comme dit le titre. Tout à fait, c'est un titre très bien choisi. Ça vient sûrement de là. Anciens étudiants, que sont-ils devenus? On parle avec Marie-Christine Michaud-Caillat. Oui, c'est une ancienne étudiante qui est maintenant directrice au développement hypothécaire dans une institution bancaire, donc elle a eu un parcours en finance. C'est toujours intéressant de voir par où les gens ont passé à leur sortie de l'université, et même aussi avant d'arriver à l'université, comme elle, je sais qu'elle a essayé plusieurs petites choses avant de se dire « moi, c'est vraiment la finance qui m'arrive ». Ouais. On a une chronique, dans ce cas-ci, c'est vraiment une chronique, « L'actualité démystifiée » avec Marie-Odile Richard qui nous parle du syndrome de l'ongle incarné. Oui, tout à fait. Dit la fin du périple trimestriel à Zone Campus achève. Si je n'étais pas aussi débordée, j'imagine que je prendrais le temps d'être un peu nostalgique. D'un autre côté, vous savez bien comme moi que ce n'est qu'un au revoir. Comme chaque fin de session, la procrastination s'empare de moi et je parviens difficilement à quitter les méandres d'Internet pour plonger le nez dans mes travaux de fin de session. L'avantage, du moins, c'est que ce sont toujours ces mêmes méandres qui m'ont inspiré le sujet de la présente chronique. Entre un vox pop de Guy Nantel et une ribambelle d'opinions prémâchées et recrachées, je ne peux empêcher le cynisme de monter en moi. Une vieille théorie qu'un vieux sage m'a racontée me vient soudainement à l'esprit. Et c'est la théorie, finalement, de l'ongle incarné. Cool. Que vous pourrez découvrir en lisant sa chronique. Bien sûr. Tant qu'à être en chronique, on passe en société. Les grands sujets abordés par nos cinq chroniqueurs. Commençons avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Oui, il nous parle de l'influence de l'entourage et la désapprobation sociale. Mm-hmm. Rien de moins. Jocelyn Aubut et Sheila Gaudreau reviennent sur la controverse par rapport à leur chronique à travers la session, surtout d'hiver dans le monde en question. Ben, la controverse, en fait, c'est que c'est sûr qu'en ayant une chronique qui parle de religion, ça fait pas l'unanimité. Et donc, pour la dernière chronique de la session, c'est un peu un retour de ce qui s'est dit pendant l'année et c'était quoi leur motivation à la base. Donc, ils nous disent religion, vérité, Dieu, moralité, Jésus. Ce sont les mots-clés que j'ai relevés en parcourant les articles que nous avons écrits cette année. J'ai l'impression qu'en abordant ces thèmes dans un journal étudiant universitaire, c'est un peu comme si on avait essayé d'introduire en douceur un éléphant de 8 tonnes dans un magasin de porcelaine. Ouais. Et donc, ils proposent aussi une réflexion et sont très, très lucides. Mmh. Et donc, voilà. Cool. Dans l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles, c'est Christina Monfette-Fortin. Le titre, c'est « De la rue à l'assiette ». Oui, et ça me rejoint beaucoup, cette chronique-là, okay. Parce que je me rappelle avoir parlé avec elle de ces sujets-là. J'y vais comme suit. On attirait récemment mon attention sur le menu proposé. C'est peut-être moi qui ai attiré son attention, je sais pas. Mon attention sur le menu proposé par la cafétéria et sur l'insatisfaction qu'il provoque chez les étudiants qui tentent de conjuguer choix alimentaires santé et budget limité. Oui. On remarque certaines faiblesses, notamment en ce qui a trait à l'option végétarienne. Bon, ça, moi, c'était plus comme les salades À 12$, oui, oui, oui, oui. Et la poutine avec tout inclus à 6$. C'est ça. Bon. On remarque certaines faiblesses, notamment végétariennes. Des exemples, le fameux sandwich à la tomate et à la mozzarella offert pour environ 6$, alors que la boîte à lunch à la dinde qui comprend sandwich, crudité, salade et dessert en coûte à peine plus cher. En ce qui concerne les non-végétariens qui optent pour une alimentation réfléchie, sachez que vous débourserez pratiquement le même prix pour une poutine et un burger que pour des bâtonnets de fromage et une coupe de crudité. C'est ridicule! Que j'ai acheté cette semaine, d'ailleurs. Mais... Ben, on n'a pas le choix. Si on veut bien manger, on n'a pas le choix, à un moment donné. Mais voilà, puis elle parle aussi des incroyables comestibles qui envahissent la ville pendant l'été. Il y a d'ailleurs un petit jardin sur le campus ici. Oui. Incroyables comestibles. D'ailleurs, je vais les plugger. C'est pour faire de l'univers un grand jardin où est-ce que tout le monde peut se servir. Donc, tout le monde est invité à planter de la salade puis des tomates en avant de chez eux parce que, on l'oublie, les légumes, c'est gratuit parce qu'on peut les faire pousser nous-mêmes. Ah, c'est ça. C'est du do-it-yourself. Donc, c'est un peu en réponse à ça. Ouais. Donc, très intéressante chronique. Ensuite, dans Changer la vie, c'est Normand Leclerc qui nous parle de guérir l'homophobie. Et il pose une question. C'est guérir l'homophobie, tu sais? Oui, donc, en lien avec la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le 17 mai prochain. Jean-François Veilleux avec Je me souviens, un pouvoir citoyen, c'est pour une République libre du Québec, toujours sur l'indépendance du Québec. En opinion, c'est Le roi est mort, c'est le texte dont on parlait tantôt de Mathieu Roy qui dit au revoir. On passe en art et spectacle rapidement avec le colloque Mélancolia, coup d'envoi à l'atelier Silex et à un autre endroit. Je crois qu'il y avait deux endroits, c'est possible ça? Ou c'est le même endroit? En fait, ça se déroulait, c'était en lien avec la Biennale internationale des centres contemporains de Trois-Rivières, mais c'était plus précisément sur... C'est beaucoup en lien avec l'UQTR. Parfait, cool. Exposition définissant en art, arrivée au bout de la course. Oui, mais j'en parle parce que le vernissage est le 23 avril qui est... Aujourd'hui même, le 23 avril c'est aujourd'hui, on est le jeudi 23. Ah bon, ben c'est aujourd'hui, vous avez le temps parce que c'est l'exposition c'est des finissants en art qui s'appelle All You Can Eat, mais qui est en français. Ça va être une visite de trois lieux. Le vernissage commence aujourd'hui à 16h. Donc, à 15h45, il y a une navette qui va quitter le pavillon Benjamin Sulte et qui va amener les gens au Musée québécois de culture populaire, à la galerie d'art du parc au centre-ville. Et ça va se finir à la galerie R3 vers 18h ce soir. Et donc, c'est le vernissage aujourd'hui. C'est intéressant de voir tout le chemin que ces gens ont fait pendant leur parcours et leur style se précise à travers les années. Ouais. On a quatre chroniques en art et spectacle. Pour commencer, Félix-Antoine Desilets-Rousseau avec Dans les lunettes du frisé, c'est le blues de la fin pour lui déjà. Oui, ben il nous parle en fait de... Étant donné que l'été aussi, c'est plus tranquille souvent, mais il nous parle de ce qu'on peut faire aussi pendant l'été, bien que des fois, c'est ça, il y a moins de spectacles. Quoique là, il y a le Festivois aussi à Trois-Rivières. Mais... Ouais. Mange l'IM, c'est la chronique littéraire de Camille Durand-Plourde. Et son titre, c'est « Aux petites crisses ». Là, c'est une citation entre guillemets français. Oui, ben, elle nous parle du livre de Geneviève Peterson, qui est une jeune maman ex-blogueuse qui a travaillé dans le monde de l'édition et de la publicité. Puis elle était chroniqueuse aussi à la presse. C'est son livre « La déesse des mouches à feu » qui raconte l'adolescence houleuse d'une jeune fille au Saguenay. Inspirée de sa propre adolescence. La petite ténébreuse, c'est Michel Robitaille qui termine avec une chronique sur Adolf Hitler, vie et mort d'un dictateur. Oui, elle nous parle d'Adolf Hitler, en fait, qui est né le 20 avril 1889 en Autriche. Et elle dit que pour cette dernière chronique, elle a décidé de se gâter un peu et de parler, non sans controverse probablement, d'un des personnages historiques qu'elle trouve extrêmement fascinant. Elle dit, je parle ici d'Adolf Hitler, l'homme derrière le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs nazies, discuté un peu plus tôt dans la session lors de ma chronique sur le camp de concentration d'Auschwitz. Oui. Dans le cinéma d'aujourd'hui, Louis-Étienne Villeneuve nous fait une liste de coups de cœur des années 2010. Il nous en parle de plus longtemps de deux, Her et Life of Pi, et ensuite quelques brèves en bulles. On sort par-dessus vraiment beaucoup de choses, mais la Lime a une communion pleine de folie. C'est le match entre la Lime de Montréal et la Lime de la Mauricie. Oui, tout à fait. Puis j'en profite pour dire que, en fait, les équipes qui vont être en finale mardi prochain à la salle Anaïs Alarousseau de la Maison de la Culture, c'est au coût de 5 $. Vous pouvez voir la grande finale de la Lime. Ça va être les Pêches contre les Verts. Mmh. Et il y a un band live qui va improviser aussi de la musique. Comme l'année passée, donc, ça, c'est ça? Oui, puis j'en... oui, tout à c'est fait. C'est génial, puis j'en profite pour dire, vu que là, les dates ne concordaient pas avec l'apparition du Zone Campus, mais c'est les Rouges qui ont remporté la grande finale de la Luitre. Oui, bravo. Ici. Contre les Bleus, dans laquelle, l'équipe dans laquelle je jouais. C'est ça. On a la confesse qu'il veut avec Alexandre Laramiswiki en loisir et en sport, maintenant, oui, cheerleading. C'est lui-même, c'est lui-même à la confesse c'est vrai. Cette semaine. Tout à fait, dernier numéro, il faut bien qu'il fasse ça. Donc, en sport cheerleading, le Canadian National Cheer and Dance Championship. Oui, en fait, la dernière compétition de cheerleading de l'année, c'était à Niagara Falls. N'importe qui pouvait s'inscrire. C'était pas seulement des équipes universitaires, mais ils ont remporté la troisième place. Il y avait une cinquantaine d'équipes des États-Unis et du Canada. Donc, ça termine bien l'année. Les Aigles vont être diffusés à C'est fou cet été, donc rediffusion, la radiodiffusion des parties des Aigles Canam sur le 89.1 FM. On en parle avec le directeur général de C'est fou et les gens des Aigles. La vie de hockeyeur après les études, d'anciens patriotes s'en vont en Europe. Oui, en fait, ben, par exemple, il y a eu une entrevue avec deux joueurs qui ont joué ici pour les Patriotes, qui jouent maintenant en Europe, Félix Petit et Pierre-Luc Lessard, qui jouent avec les Brûleurs de Loups de Grenoble maintenant. Wow! C'est un peu violent, ce boulet des loups, il me semble. Donc, c'est tout pour les sports, c'est tout pour le journal et c'est tout pour l'année scolaire 2014-15. Merci beaucoup, Myriam Lorty, d'avoir participé à l'émission avec ta chronique Zone Campus. Ben, merci à vous. Et bonne lecture. Le Zone Campus va reprendre du service en début septembre. C'est ça, exactement. Et celui-là, pour la rentrée. Oui, et celui-là va être en kiosque jusqu'au 4 mai et au-delà. C'est le numéro 16. Il est sur zonecampus.ca déjà, sur la page Facebook aussi. On peut t'envoyer des commentaires en passant par le site web. Tout à fait. Suggestions de chroniques. Et d'ailleurs aussi, comme on le voit à oui, l'arrière du journal, oui, oui. On demande aux gens de postuler pour les postes qui sont ouverts en ce moment. Oui, ben en fait, oui, mais ça se peut que techniquement, c'est jusqu'à demain que les gens ont pour postuler, mais là, je sens que les gens sont en fin de session oui. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires à savoir si on pouvait peut-être prolonger un peu, et c'est sûrement ce qui va se faire parce que les gens sont en fin de session. Exactement, on met une date je pour comprends. Être... Voilà. Pour mettre une date, finalement. Donc, merci Myriam Lorty. Merci à vous. Et bon matin. À vous aussi. Bye. Voilà, c'est tout pour le Zone Campus et c'est tout pour Assemblage Requis pour cette semaine. Juste à temps. Yeah. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve... là, on est jeudi, fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière semaine. Oui, mon Dieu, que ça passe vite. Ça n'a pas d'allure. Donc, lundi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Restez à l'écoute. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, créateur de son. À 16h, palmarès du monde avec David Ferron. À 17h, je serai là, de l'au-delà, en rediffusion avec le Mathieu Plancho. Et à 21h, Radio Sonic. Mais dans quelques instants, ce sera Génie en liberté avec Samuel et Stéphanie. Restez à l'écoute pour ça. On va se quitter avec une dernière pièce pour aujourd'hui. Étant donné que le Zone Campus se termine, on écoute la pièce Tu quittes de Richelieu. Et on se retrouve lundi matin. Bonne fête de semaine, tout le monde! Bye! Bye, les petits requins!